Straight up the start. In the end, I'm calling for you. Oh, please answer to me. Those bright lights are steel lights that I'd like to see. And now I'm like, hey, what's going on? I don't know. Eau de radio, écoutez Eau de radio sur 91.3. 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de radio. C'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien, moi j'ai une bonne patate, parce que j'ai fait des mathématiques toute la semaine. Pareil. Des divisions, genre, des trucs comme ça, et hop, on commence tout de suite avec un jeu de mots, celui-là je vous le facture pas, il est cadeau. Franchement, celui-là il est cool, putain, et vous m'avez manqué cette semaine, un truc de dingue, obligé de faire des streams du matin au soir, même la nuit je dors, je stream le gars. Je te jure, c'est un truc tu, de tu ouf. Tu streames ton sommeil? Je stream mon sommeil. Putain, j'ai hâte de la suite. Et tu sais qu'il y en a beaucoup, si tu regardes la nuit sur PS4, tu sais, les streams qu'il y a, il y a énormément de japonais qui se streament la nuit, oui. Qui dorment chez eux, quoi. Et le pire, c'est qu'ils tapent les gonzes plus de viewers que nous quand on stream un jeu Day One. Oui, mais c'est important. Mais parce que t'as pas vu dans le titre, mais c'est genre Paranormal Activity version Japon, tu vois. Ils ouais, se filment pendant qu'ils dorment. Genre, ils attendent. Ah tiens, on va en parler de ça aussi. Mais genre, ils attendent qu'il se passe quelque chose, peut-être, tu vois. Et ouais, en général, il se passe rien, quoi. Non, si, non, tu mais vois. Après, c'est juste qu'un japonais qui dort, c'est rare tellement il est actif. Oui, c'est vrai. Il fait beaucoup de viewers. Carrément. Si des fois tu vois un peu la couette qui fait hop, qui se lève un peu, tu vois. Bon, ça, je sais pas. C'est des fantômes sous forme d'état gazeux. Voilà. Moi j'ai vu des séances de spiritisme en direct où les gens faisaient des screenshots pour essayer de voir après, ils se les envoyaient, voir s'ils voyaient des petites lueurs, des trucs qui ont bougé. Et on va faire l'émission de Ghost DX là, mais. Mais justement, ça tombe bien qu'on en parle. Alors juste avant, hein, ce soir. Ça va, on a le temps un peu, mais on est un peu pressé. À 20h30, faut que l'émission s'arrête parce que juste après nous, il y a les acoustiques et ils ont reçu Deluxe. Il y a la grande affiche dans le studio. Ils étaient en concert au Rocher de Palmer et ils sont venus ici même enregistrer une émission. Si vous kiffez Deluxe, c'est qu'on aurait pu mettre un morceau ce soir, bon c'est pas grave. Mais si vous kiffez Deluxe, restez bien après l'émission, franchement ça va le faire. Notre ami Manu des acoustiques. Voilà, donc ce soir, on va avancer. On va pas se présenter un par un, vous allez juste dire bonjour. Et puis voilà. Mais on va parler de Gus DX. Quand ça arrivera à moi. Tagazu est là ce soir. Oui, comment ça va, poulet? Oh putain. Je suis content d'être là. Il nous a fait exploser les potards. Je suis content d'être là. À quoi j'ai joué? Non, on n'a pas de temps. Non, on n'a même pas de temps. Bon. Dandy est là ce soir. Comment ça va, poulet? Très bien. Salut tout le monde. Yes. Kogu. Alors, il se partage le micro un peu. Bonsoir, je suis circoncis. Ah, tu es circoncis? Pour de vrai? Circonscrit, je voulais dire. Non, circoncis au niveau de la parole. On nous laisse pas parler, on est boycotté. Donc on me circoncis ce soir. La censure a encore frappé. Et puis Eiki est là aussi, comment ça va, poulet? Écoute, ça va, moi je joue à Twilight Princess HD, voilà, c'est bon. Yeah. Oh, il l'a placé, il est joli. Ah. Et puis ce soir, nous avons des invités, nous avons Jean et Yannick. Soir. Bonsoir. Yes. Donc on vous allez vous présenter un petit peu après, mais on tient du bon dos. On tient du bon dos. Effectivement, ouais. Non, ça va être cool. On va parler jeux vidéo comme d'habitude. Et ça, c'est cool. Moi, je voulais juste vous dire que pour la première fois de ma vie, j'ai maté une vidéo de Gus DX. Ça tombe bien que vous en parliez tout à l'heure. Je suis sûr que tu t'es chié dessus. Eh ben, je sais pas quoi en penser. Tu vois, j'ai maté la fameuse. C'est Tanaïs. Château de Tanaïs. Ah, ouais, voilà. Alors, pour les auditeurs qui nous écouteraient, Gus DX, c'est un youtubeur qui fait des vidéos. Où il va seul dans des maisons hantées. Donc, déjà, le mec, il en est. Un youtubeur bordelais en plus. Ouais. Oui, de Bordeaux. Mmh. Et là, il allait dans un vieux camp militaire. Alors c'est assez chelou et on peut se poser la question, tu vois, bon, on lui court après, on aimerait bien qu'il vienne, mais moi je me pose la question, fake ou pas quoi. Tu vois, il arrive, il a une petite radio, il la pose, comme par hasard, en fait c'est une radio qui fait un balayage et qui capte toutes les ondes, donc radio, donc genre pendant une seconde t'entends Skyrock, Energy, Eau de Radio, un peu tout ce que tu veux, et puis de temps en temps ça parle en allemand, tu vois. Alors c'est pareil, t'as un brouhaha ambiant, tu sais pas trop, enfin tu vois, est-ce que... je sais pas, à un moment il marche. Bon, ça fait flipper. Le truc c'est que le mec, il a franchement, il a un vrai don pour le montage. Alors je sais pas si c'est un vrai don parce qu'il a vraiment le style numéro 23. Je sais pas si vous voyez la chaîne. Le montage est identique quoi. Tu sais, il te fait monter la sauce et c'est à ce moment-là. C'est comme ça quoi. Et c'est à ce moment-là que le qu'un truc paranormal est arrivé. Et là, t'as des trucs comme ça. Il fait le montage un peu chargé. Et à un moment, il y a une espèce de brouillard qui passe. Alors, c'est assez troublant. Assez, ouais, je sais vois pas de quel épisode tu parles. Tu vois? Plus connu, hein, je pense. Oui, c'est plus connu. Il y en a les deux derniers, je crois, qui étaient bien chauds aussi. Oui. Voilà, une fois de plus, pareil, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. Je suis pas un mec qui croit trop à l'ésotérique et tout ça. Donc de base, voilà. Est-ce que tu crois à l'isotherme? Ouais. Au sac isotherme. Tous les jours, c'est plus concret, ça. Quoi. Je crois au sac isotherme. Et aux bouteilles qui à l'intérieur. Mais ouais, du coup, non, j'ai jamais su quoi en penser. Ça m'a toujours très intrigué. Mais en même temps, tu vas pas aller le voir et faire ah, au fait, c'est de la merde, c'est pas vrai. Il va te faire ouais, j'avoue, c'est trop pourri en vrai. Il y a tout le monde qui me croit, mais voilà, c'est pas non, vrai. Non, mais si on le reçoit dans l'émission, on pourra faire deux clans. Les sceptiques. Et ceux qui y croient. Tu sais, t'es pas obligé de tout prendre content. On a le droit de lui dire, attends, moi j'ai After Effects, je fais des boules de feu. Alors pourquoi je ferais pas un nuage? Non, mais connaissant un petit peu la personne, je pense qu'il serait même d'accord. Il serait très content de faire justement ce genre de débat. Ouais, qu'on aille un peu dedans, quoi. Parce que tu vois, vas-y, Kogou. Non, j'allais demander, moi, Eki, ça faisait combien de temps que tu connaissais Goustique? 4-5 ans. Et tu crois toujours pas au paranormal? Non, effectivement, mais je crois au troll depuis. Est une paranormale activité à lui tout seul. Mais ouais, voilà, le faire venir et puis voilà, essayer de taquiner un peu, de voir. Parce que le coup, t'as vu, il se fait posséder et tout. Ben écoute, honnêtement, moi je pense que c'est vrai parce qu'il y a eu des trucs derrière où, voilà, clairement, il a rien raconté de ce qui s'est passé. Mais il aurait été pas bien pendant un moment suite à ça. Après, je sais pas, en fait c'est simple, soit c'est un mec qui joue très très bien la comédie. Oui, ça c'est pas faux. Et qui genre depuis le début, mais même dans sa vie de tous les jours où il rencontre des fans, il joue très bien la comédie. Ce qui est possible. Regarde comment il s'appelait l'autre demeuré là qui a fait le buzz, le tout premier buzzman, le français tu sais qui était odieux là. Michael Vendetta. Ah oui. Tu vois, c'était un personnage et il le tenait tout le temps. Ouais, mais oui, mais lui, il était vraiment con, je crois. Mais non, il l'a dit ensuite que c'était un personnage et Non, mais ça, c'est parce que le mec voulait se reconvertir professionnellement et on lui fermait toutes les portes au nez, quoi. Oui, tu m'étonnes. Vous êtes trop con, désolé. C'est une blague. Je faisais exprès d'être con, quoi. Soit il fait trop bien la comédie, soit c'est du réel, et dans ce cas-là, bah, il y a beaucoup de choses dans le monde que je connais pas et qui me font peur, quoi. Ouais. Bah, c'est ça le truc, ouais, voilà. Si c'est vraiment vrai, ça te fait basculer, tu te dis, ah merde. Voilà. Effectivement. Bon, on essaiera de l'avoir dans l'émission et puis on débriefera ensemble. D'ailleurs, on a un fantôme. Oui, d'ailleurs, mais il est tout le temps là. Parce qu'en fait, vous savez pas, mais Ode Radio, c'était construit sur un vieux cimetière indien. Ouais. Eh oui, mais carrément. Et donc du coup, c'est pour ça de temps en temps. On les entend, ils passent au loin ou dans le faux plafond aussi. Ouais. C'était Vincent d'ailleurs que j'embrasse, je sais pas s'il nous écoute, il nous a raconté ça samedi soir et c'est pour ça qu'on a maté la vidéo de Guzix. Lui, il pose des alarmes incendie dans des vieilles baraques, des hôpitaux et justement dans le Massif Central, il a été dans une maison où il nous a raconté des trucs de ouf hein. Genre, il marchait dans les graviers, il s'arrête. Et le son du bruit des graviers marchait encore. Bah il lag, c'est tout. Oh là. C'est ça. Et ça, à mon avis, c'est encore arrêté au restaurant. Ça sent le dos. Tous les mecs de chantier qui ont vécu des trucs paranormaux, c'était après déjeuner, quoi. Ouais, bon, il y a un truc. Dis-nous, Vincent, tiens, sur Facebook. Allez, tiens, une émission qui fait du bien, là, c'est cool ce soir, on va se fendre la gueule. On est comme tous les mardis, hein, en live sur Twitch aussi, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E, vous êtes déjà 10. Il y a Sgrog, j'ai vu passer Kalec, il y a Moumout, il y a tous les habitués, ça fait plaisir. J'essaierai de lire le chat de temps en temps. Je vais le louper un peu. Ouh, mettre une loupe. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur Twitter. Twitter, la voix du geek avec un E, hein, pareil, Facebook c'est la même. Et puis voilà, ce soir on s'écoute du son, on s'écoute Notorious Big. Yeah, avec No Money No Problem. Oh. Ouais, c'est cool. Ouais. Ça fait un moment. Et puis l'autre morceau, tiens, c'est Tagazu qui l'a choisi. C'était Laser Hawk, Maximum Overdrive. Putain, j'imagine trop Tagazu écouter ça dans voilà. Sa Ah non mais carrément, ça fait la pêche. Là, on va faire un bond dans les années 80. Voilà, mais c'est bon son des années 80. C'est cool. Carrément. Et puis ce soir, bon programme, on se fait toutes les news jeux vidéo de la semaine, on se fait le test de The Division et puis on va parler avec nos invités. Yannick de Flat 226, une association bordelaise qui œuvre pour le jeu vidéo. On pourrait presque dire ça hein. Pour la création de jeux vidéo. Pour la création de jeux vidéo d'ailleurs, c'est très intéressant. Et on a Jean qui est sound designer. La classe. Et tu es sound designer où? Bah, chez Flat 226. Attends, tu veux dire un vrai sound designer? je suis pas encore, je me débrouille pas mal. Yes. C'était le petit pilou de la soirée. Si, faites-moi penser à lui crever les pneus. Les pneus de mon vélo. Merci. Alors. Yes. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Ah oui, attends. Yeah. Et je me suis dit, le jour où vous dites non, on est dans la merde quand même. Bah non. Ok. Moi je fais rien. C'est con. Cool. Elle est culte, moi je l'avais. Elle est culte. Allez, on est y part. Eh ben qui s'y colle? T'as gazou? Bah je commence. Vas-y. Eh ben vas-y, fonce. Alors moi c'est même pas une news. Ah merde, moi je me casse. Je vais faire mon fanboy Nintendo encore une fois. Le dernier qui reste. Le dernier. Je voulais vous parler de Splatoon encore une fois. Ah ouais. Splatoon. Non, parce que c'est le jeu quand même qui a été le plus vendu sur la Wii U devant Smash et Mario Kart 8. Ben, je vais te dire, le pire c'est que c'est grave mérité au final. C'est mérité. Et bon, au Japon, on savait que c'était un succès. Il y avait même eu un concert live avec les héroïnes de Splatoon que j'ai moi-même regardé. Est-ce que pendant le concert, ils jettent de la peinture et tout comme ça? Non, mais les héroïnes sont sur écran un peu à la Hatsune Miku. Ouais, ah oui, d'accord. C'est un hologramme sur un hologramme. Et c'était un beau concert. Moi j'étais content. Bon bah écoute. Mais ils chantent en je suis fan, mais voilà. Tu sais, tu vois Tagazu dans la salle avec un fanion, avec les petits bâtons colorés comme ils ont les Japonais. Je kiffe là. Et est-ce qu'ils chantent aussi en oui, comme dans le jeu, leur langue de calamar. Donc c'était merveilleux, j'ai regardé ça pendant 2 heures sur YouTube. On embrasse tous les calamars qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont fous, j'ai pas regardé tout le temps. On a jamais su ce qu'il a pris Tagazu, mais enfin en tout cas c'était bien, et en Europe ils ont dépassé le million d'exemplaires. Ça veut dire que le jeu, en fait, il y a un jeu pour 3 Wii U. Donc alors les médisants diront que il y a pas beaucoup de jeux sur Wii U, il y en a 4 qui sont sortis dans l'année. D'un autre côté, je vais dire, le truc c'est que Splatoon, c'est carrément mérité, mais tout simplement parce que les mecs aussi sont adaptés à ce que est le jeu vidéo maintenant. Si t'as Splatoon, Hearthstone et Rocket League en ce moment qui démontent tout, c'est pas pour rien, c'est des parties efficaces, c'est des parties courtes, c'est un gameplay redondant, mais c'est des jeux originaux aussi, que de niveau qui ont un super bon concept avec un bon univers graphique derrière, et voilà, du coup c'est de la compétition. Voilà, c'est ça. Compétition aussi derrière, qui fait que forcément ça a du succès, quoi. Du coup, bon, on espère tous, enfin c'est juste qu'ils ont réfléchi, en fait c'est presque sûr que voilà, sur la NX il y aura un Splatoon 2, et ça c'est une bonne nouvelle. Moi je vais te dire, il y a un truc que j'attendais dans Splatoon qu'on n'a jamais eu, et pour un mec qui est aussi qui tient autant à l'apparence de son perso, c'est un gros truc. C'est juste de pouvoir changer ces putains de coupes de cheveux, parce que j'en ai marre d'avoir cette coupe de cheveux de merde. Alors qu'il est dans les concept art, en plus il y a énormément de coupes de cheveux géniales. Comment, des chapeaux, t'as pas comment chapeau. Il s'appelle le créateur de Splatoon? Alors c'est je l'avais marqué sur ma news, je l'ai enlevé, merci. On lui passe un message, mets des coupes de veuches, parce que Aiki il est assez axé capillaire. Ouais, j'en ai marre. Et puis tiens, il y a mon pote Vincent qui nous a laissé un message sur Facebook, n'hésitez pas à faire comme lui, il fait: j'avais pourtant pas bu d'alcool, juste 2 pichets blancs. C'est pas de l'alcool. Ah, c'est pas de l'alcool. Un Ricard, non, il est trop tôt pour un Ricard, mets-moi 1,5. Allez, vas-y, Dandy. Eh ben, moi, je vais enchaîner, je vais vous parler d'une bonne nouvelle pour l'industrie du jeu vidéo, qui va éviter un petit peu tout ce côté concurrence qu'il y a entre constructeurs, souvent entre PS4 et Xbox One. Oui. Parce que Microsoft a enfin annoncé que les développeurs de jeux auront la possibilité maintenant de pouvoir faire du jeu online cross-platform. Alors c'est ce qu'ils appellent le cross-network play. Alors j'ai juste une petite question. Ouais. Microsoft, il a dit ça, et Sony, est-ce qu'il est prêt? Alors voilà, justement. Après, ils ont pas cité Sony, ils ont dit sera possible pour d'autres consoles de se connecter sur ce network-là, ainsi que pour les PC. Mais c'est en gros, si tu veux, presque une proposition faite indirectement à Sony pour qu'ils donnent leur accord aussi. C'est un drapeau blanc, ils ont fait on se rend, on en a marre. Ils ont surtout dit, les mecs, ça serait bien que tout le monde puisse jouer ensemble, quoi. Ouais, donc, et comment tu dis que ça s'appelle? Alors, ça s'appelle... le cross network play. Wow. Allô. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle James Patagher. Je suis professeur d'anglais à la Cunilingus Institute du Massachusetts. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous ne prononcez pas bien l'anglais. Ah, ok. Hello de loup. Tambozoulou, on a un pigeon sur la piste, je répète. Putain, mais qui lui a acheté ce jouet en fait? Ah, c'est pas, mais il a fait. Je crois qu'il l'a fait tout seul. Oh le con. La crêpe saute en dehors de la poêle. Je répète, la crêpe saute en dehors de la poêle. Terminé. Merci, priori, pour ce cours d'anglais. faut surveiller notre anglais. Il y a James qui nous écoute. Attention, il rentre dans les parages. James, quoi. Tu donc voilà. Trouver plus James Patagor. Yeah, tu te fous pas de mon prénom. Je suis très connu en Outre-Manche. Je suis professeur à la Cuneo Language Institute. Autant te dire que les langues, ça me connaît. Vous avez pu m'apercevoir dans bon nombre de films, comme Retire ta langue, je crois que je répétais. Hello de nous. Il va nous faire toute l'émission comme ça. Il pète les plombs. Il est parti, ça y est. Faut lui retirer, sinon. Ne lui offrez pas de CB non plus. Hein, non, s'il vous plaît. Allez, vas-y, Cogourche. Alors, ben, j'enchaîne sur ma deuxième news du coup, puisque la première vient d'être donnée par Dandy. Non, mais c'est normal. Pas beaucoup. Hein. Mais non, mais voilà, on est tellement impliqués travail dans nos vies. Donc voilà, ben moi je vais continuer sur les bonnes nouvelles. On va parler de Portal et de Half-Life. À l'occasion donc d'un petit rendez-vous et d'une interview de J.J. Abrams, donc il est revenu sur le tapis. T'as vu ça, moi je les prononce en anglais, les mecs sont pas arrivés. Ah mais bébé fille toi. Et donc ben justement puisqu'il parlait donc de la sortie, enfin il était venu pour parler de la sortie de son film 10 Cloverfield Lane. Il m'intrigue assez ce film. Hein. Et c'est quoi, est-ce que c'est une suite au Cloverfield de base ou pas? Je sais pas, mais ça a aucun rapport. Hein. C'est quoi Cloverfield s'il vous plaît? Cloverfield. c'est un film qui se passe à New York. Voilà, c'est un film qui se passe à New York avec une grosse bébête qui arrivait. Le film avait la particularité d'être filmé en caméra à l'épaule. Ouais. Voilà. Et sinon, pour revenir à la news, donc des fans donc sont allés quand même lui poser la question donc concernant l'adaptation cinématographique de Half-Life et donc de Portal. Et alors, il a confirmé, je le cite lui-même. Alors, ils ne sont pas encore prêts. T'as vu ça dans un anglais absolument fabuleux. Impeccable. Ils ne sont pas encore prêts, mais ils sont en développement. Nous avons les scénaristes et nous travaillons donc sur les deux histoires. Oh yeah. Donc c'est confirmé, il y aura un portage par monsieur Abrams. Donc de Portal et de Half-Life. Cool. Génial. Mais il parlait aussi d'un film Fallout. Oui, ouais. J'ai entendu la rumeur. Oui, aussi, et hein. Ils sont en train de caster le chien, ils trouvent pas le bon. Oui, puis ils parlaient il trouve aussi, que des chiennes. Ils parlaient aussi d'un film BioShock et au final on n'en a jamais oui, c'est vrai. Entendu parler. Je fais juste une parenthèse. Il y a notre ami Goustique sur le chat. Oh, on va l'applaudir. Salut Goustique. Vive la Belgique. Vive ouais. Goustique. Salut Goubou. Alors il fait, je suis trop content, Squeezie va doubler dans Ratchet & Clank. Ouais. Ouais. Justement, il est pressenti aussi pour le chien de Fallout. Et après, génial, on lui répond sur le chat, on lui dit, dégage Goustique. Quel accueil. Goustique, en fait, c'est un des membres de l'équipe qui est parti en Belgique pendant un an. Ouais. Il est tout triste. Okay. L'infection alimentaire va mieux. Il a encore mangé une moule pas fraîche. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Allez, vas-y, Eki, enchaîne. Mais justement, c'est bien, je fais le lien avec ce que Goustique a dit. Bon, il m'a un peu niqué le truc, mais voilà, moi cette semaine, j'étais pas content. Notamment hier où j'étais vraiment pas content du tout. Parce que voilà, du coup, les gens sur la page Facebook de La Voix du Geek qui nous suivent ont pu apercevoir que j'étais pas content parce que j'ai appris en regardant le dernier trailer de film Ratchet & Clank que c'était Squeezie qui doublait en fait la version française de Ratchet. Et c'est une honte. Et voilà, après c'est pas une honte dans le sens où j'aime pas Squeezie. Oui, je l'aime pas, il me saoule de ouf, c'est un truc de dingue, mais c'est pas juste ça, c'est juste que Ratchet, il a une putain bon après moi j'avais pas envie spécialement de le voir en VF, tu vois. Mais n'empêche que c'est chiant parce qu'au final Ratchet, il a une VF. Oui, qui est la même acteur, depuis longtemps. C'est ça, avec un acteur qui est enfin un comédien donc qui est lui tout à fait qualifié pour faire cette voix-là. Et voilà, au final, on va chercher un mec qui est populaire sur YouTube qui gagne déjà des milliers pour enlever le chèque au mec qui fait la voix de Ratchet pour le film pour que ça fasse plus d'entrées dans une moyenne d'âge entre 10 et 14 ans. Non mais Squeezie, depuis qu'il a doublé les mouettes dans Bob l'éponge 2, on le retient plus. Et non, mais... il parlait même de le faire doubler dans un Charlie Chaplin, le mec. Je peux te dire, c'est un truc de ouf, hein. Non mais je trouve ça assez grave en fait, et je trouve ça encore plus badant de la part de Sony. Après, pour vous rassurer, j'ai beaucoup enquêté hier et il se trouve qu'on n'aura pas sa voix de gamin dans les jeux vidéo déjà. Donc voilà, c'est une petite victoire, mais une fois de plus, ben ça fait chier parce que c'est une licence qui concerne le jeu vidéo, que le jeu vidéo en ce moment ça respire un peu trop l'argent malheureusement. Et tu as vu qu'il y a une pétition qui tourne. Bah oui, ouais. Effectivement, je l'ai signée, j'ai invité les autres à la signer, mais c'est pas juste pour troller Squeezie, c'est juste que voilà, une fois de plus, être comédien, c'est un acteur, et c'est pas parce que tu fais des grimaces à la con devant ta webcam que tu peux faire des voix de film. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'était mon coup de gueule, je suis pas content. Allez, tiens, moi pour Manu, je vais vous faire écouter quelque chose. Ça vous fait penser à quoi ça? Bon, c'est pas Goustique, hein. Alors. Ah si, je sais. Alors. Eh ben. Non, acoustique. Pas ça. Oh, calme-toi. Oh là là, Kogu. C'est le jeu Fart Princess. Non, c'est Fart Cry. Fart Cry, ouais. Eh bien non, oui, on l'a appris récemment. Eh bien, Abe ferait son grand retour, l'Odyssée d'Abe. Donc, il s'appellerait Oddworld Soulstorm. Je fais attention parce que faut me faire engueuler par James. Et donc, il est prévu pour 2017. Donc on sait pas grand chose dessus pour l'instant, mais on sait qu'il y en a un nouveau qui arrive. Le dernier en date, c'était l'Odyssée d'Abe. Comment il s'appelait déjà? C'était le Remastered. C'était New Testy. New Testy, qui est assez terrible, hein, qui est hyper chaud. Moi j'ai eu la fin dégueulasse. Hein. Tu t'attaches à Abe pendant tout le jeu et à la fin il se fait saucissonner. Ah ouais? Ouais. Parce que bon, j'ai un peu spoilé la mauvaise fin, mais il y en a 3 ou 4. Ouais, voilà. Mais attends, bon, voilà. Il était sur PS2 ce jeu? Non, parce que je suis jeune, je te rappelle. Non, pardon, sur PS1. Ouais, sur PS1. Ouais. D'accord, okay, sur PS1. Okay. Et donc voilà, c'est un personnage qui pète tout le temps, donc c'est pour ça, pour les auditeurs qui connaîtraient pas, voilà. C'est un personnage qui pète. En tout cas, on est bien content de le voir revenir, moi ça me fait kiffer. Ouais, autant dire que la Farnel, il aime beaucoup. En fait, c'est un espèce de Gollum qui a la bouche cousue. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Et qui, alors, suivant les épisodes, il enquête un peu parce que il y a un grand Manitou, un grand gourou qui leur fait boire des sodas, qui les perche un peu. Le grand Moluc, qui les perche un peu. Il se rend compte qu'en fait, ce soda est fabriqué avec les ossements de ses ancêtres. Parce que ses petits camarades sont dans une mine, ils creusent, et avec les ossements, ils fabriquent du soda qui les rend complètement accro. Voilà. Ah, c'est cool comme scénario, non? Ouais, non, mais ouais. C'est assez ouf, c'est assez chaud. Après, voilà, pareil, on devait avoir un remake aussi de, enfin un reboot de Beyond Good and Evil. Oui, c'est vrai. Et au final, on l'a pas eu non plus. Donc voilà. Bah après, je prends vraiment avec des pincettes maintenant toutes ces nouvelles annonces. Il y a un remake HD que, sur PS3. Quoi. Non, effectivement. Ouais. Et on attend toujours Day of the Tentacle également. Qui sort le 22, j'ai déjà précommandé. Ça y est. Ouais. Ah, et une date pour Full Throttle? Non. Ce qui devait suivre. D'ailleurs, il est attendu pour mars. Et ouais, mais non. Pas mardi prochain, donc pas le 22, mais le 29, il y a Jean-Luc Salah qui vient, qui vient dans l'émission. Je le voyais pas assez en cours, tiens. On lui re-souhaite bon anniversaire. Oui, carrément. Ouais. Et du coup, on va faire une spéciale jeu d'aventure. On va retracer un petit peu toute l'histoire des jeux d'aventure, des pant and click plus précisément. Des pant and click? Des pant and click. Des pantalons et des clics. Ouais. Je sens le Tokiwoki arriver, là. J'ai pas trop, mais j'ai l'impression que... Ça grésille. Je vous écoute depuis l'autre manche et là ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? L'infernal Mézir est là. Bon sang, bonsoir. Je vous verse, je vais manger des cuisses de grenouille. Bon allez, vas-y, ta gazou enchaîne, parce que là ça va. Non, plus. Bah non, je vais passer à Dandy, puisque vu que je voulais parler d'Eb aussi. Donc, ah ok. Alors moi je vais vous parler d'une annonce récente. Je sais pas d'ailleurs si ça date pas que d'aujourd'hui. si je vous dis Dying Light et Rocket League. Ça vous parle un peu ou pas? Dying League. Les deux en même temps. Dying Light et Rocket League. Alors en fait, ils se sont alliés, comme on a eu avec Batman, avec Batman versus Superman pour la Batmobile. Là, tout simplement, dans le jeu Dying Light, vous allez avoir donc le skin Rocket League sur vos véhicules. Et, et il montre une scène où dans Dying Light, en fait, t'as une petite zone fermée avec un ballon et tu peux dans Dying Light faire un pseudo Rocket League, on va dire. Et dans Rocket League, donc il y aura des objets à débloquer pour la customisation. Voilà. Après, c'est que du skin. Il y aura pas de map ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un petit côté DLC gratos. Ça aurait été mieux si c'était la voiture le personnage dans Dying Light. Ça aurait été vachement plus exotique. Ouais, oui. Non mais ça va, on peut déconner aussi. Non mais j'avais pas capté le truc, mais voilà. T'as niqué ma vanne, merci. J'ai vu donc, aussi que dans Rocket League, maintenant ils veulent faire, ils ont fait une map basket, je crois, un truc comme ça. Elle va sortir bientôt. Ouais, non, on l'a su que récemment qu'elle allait sortir dans le mois, en fait, tout simplement. Yes. Ok. Tiens, sur le chat, il y a Bobo qui nous fait le monsieur au t-shirt noir est un imposteur quinquagénaire. Je sais pas de qui il parle. C'est moi. C'est Odor. C'est Odor. Voilà. On a tous regardé la couleur de notre t-shirt ou je suis le seul? J'ai des gros problèmes. Bon, faut que tu révises tes couleurs. Parce que c'est pas toi qui t'as dit. Ah oui, voilà, c'est ça. Allez, qui enchaîne? Ta news. Ça y est, c'est déjà moi, pardon. J'aime bien ce moment de flottement et comment vous donnez le micro très silencieusement. Ça doit être très agréable pour les auditeurs. Donc voilà, nous excusons, surtout Aiki. Donc voilà, moi je vais vous parler de DMC. Ah oui. Devil May Cry. Ah ouais, Devil May Cry. Alors attention, la rumeur vient de Facebook. Oula, bande, c'est mort. Attention, sur le compte officiel de monsieur Johnny Young Bosch. Maintenant, on va tous avoir un accent anglais. C'est celui qui joue le personnage donc dans la licence de Nero. Et donc également sur celui donc de Ruben Langlund qui lui joue le personnage de Dante. Nous les avons vus sur une petite photo. Dante. Autant pour Dante Burn. Merci. C'est compliqué ici. Parce que l'Infernal, il s'est pris une pomme dans la gueule pour avoir fait cette faute-là. Oui, c'est vrai. Et grâce à cette vidéo, on a été élu par jeuxvideo.com meilleur youtubeur de la semaine. Bon, c'était en 2012, je sais plus. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Allez, et les donc gars. Voilà. J'ai pas terminé, mais concrètement, ça veut dire qu'il y aura un DMC5. Voilà. Cool. Ben moi, j'aime bien les Devil May Cry. Tiens, on embrasse Grand Torinoob qui nous rejoint sur Twitter. Ouais, il son pseudo en plus. Ouais, Grand Torinoob, carrément. On l'embrasse. Welcome. Et ben moi, je vais vous parler du Nintendo Direct qu'on a pu voir il y a quelques jours, et notamment du coup de ce qu'on a pu y voir et de ce Kirby avec des mechas déjà. Je sais pas si t'as pu voir. Oula, ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà, c'est Kirby Planet Robobot. Voilà. Déjà, ça me plaît. Voilà. Et non, voilà, je crois que toi aussi t'as la même déception comme à chaque Nintendo Direct depuis un an. Je vais te dire, pleure. J'ai pas regardé fois. Celui-là. Ah ouais. D'habitude, je les regarde parce que c'est quand même un peu Nintendo. Voilà, c'est la fibre nostalgique, ouais. C'est dans l'ADN quoi, mais là non, je me doutais, je pressentais que c'était de la merde. Mais t'as loupé un truc super quand même, c'est un des CEO de Nintendo qui dansait une danse chelou. Oui, sur, c'est ce que disait Tagazu. Voilà, tu as écouté l'émission de la semaine dernière? J'avais regardé seulement. Non mais voilà, tu vois, c'est dommage que t'aies loupé ça. Ça doit faire chier d'être CEO chez Nintendo. Horrible. En fait, et devoir faire ça. Oui, reprend la relève de Iwata. Regretter Iwata, je trouve que ouais. Bon, c'est pas mal. Ouais. Mais au-delà de ça, voilà, il y avait toute une flopée de jeux qui avait été annoncée. Honnêtement, pour moi, hein, mais c'est un avis personnel, tous plus merdiques les uns que les autres, sauf si vous êtes un fan de J-pop et compagnie. Des amiibo à l'appel qu'il faut acheter, tout ça. Mais donc, parmi ces jeux, on a pu en apprendre un peu plus sur un opus de Kirby qui arrive sur 3DS, qui lui est assez mignon. Moi, après, je suis pas un mec chiant, hein, je demande juste un jeu cool et genre bien développé, quoi, c'est tout. Du coup, on a le dernier Kirby qui est pas mal. On en a appris un peu plus sur Star Fox, qui, selon moi, en fait, s'améliore un peu. Ah ouais ? S'améliore de mois en mois selon les footage qu'on voit là. On a pu voir aussi que dans la version collector, il y avait un mini-jeu exclusif, etc. Mais bon, voilà, ça, c'est Nintendo et son amour pour l'argent. Et du coup, au-delà de ça, oui, on a pu voir donc des nouveaux persos dans le prochain Star Fox, le retour de la team anti-Star Fox avec Wolf et Panther, etc. On a pu aussi voir pas mal de nouveaux gameplay. En fait, il y a plein de comparaisons sur Internet qui montrent et qui parlent du fait que le jeu est un peu plus beau. Hein, on l'avait essayé à l'IDEF et on n'était pas hyper convaincu. Ah, j'étais carrément pas content encore une fois. Ouais. Tu vois. Mais là, voilà, il est un peu plus beau et surtout plus maniable. Donc voilà, ça une fois de plus, c'est un grand truc parce que c'est vrai que quand on y a joué à l'IDEF. C'était franchement chiant à jouer en fait, tout simplement. Ouais, carrément. Et il m'a presque donné envie au final de l'acheter. Oula. Voilà. Non mais voilà, c'est. Ah ouais. Après, prends voilà, sa température, c'est je crois qu'il a la fièvre. Ça, voilà. On a pu aussi en apprendre un peu plus sur le Metroid Prime Federation Force qu'il a. Bon voilà, on a Metroid, mais c'est pas vraiment Metroid. Le jeu le plus détesté de l'univers avant qu'il sorte. Ouais, voilà, c'est ça. Qui n'est pas super intéressant, n'est pas super beau et surf juste sur la franchise pour parler sincèrement. Mais voilà, du coup, ce petit jeu Star Fox qui donne envie. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, moi, je vais aller acheter Pokken. Voilà. Ok. Qui sort dans quelques jours, dans 4 jours, je crois. Et je vous en ferai le test dans la voix du geek. Eh ben, avec plaisir. Voilà. Allez, moi, juste avant qu'on s'écoute Notorious B.I.G. avec No Money No Problem, je vais vous parler vite fait de King Quest l'épisode 3, qui est prévu pour le 26 avril. Il s'appellera Once Upon a Climb. Donc ça veut dire, il était une fois un climb. Une escalade. Une climb. Et donc en gros, le personnage sera plus âgé, genre la trentaine, tu vois, parce qu'on évolue un petit peu. On l'a vu très âgé, on l'a vu jeune, préadolescent. Et donc là, on verra sa relation avec sa future femme, Valanais. Il y aura des bisous de la sexualité. Ouh. Voilà. Et puis on a appris aussi, on a su la date de sortie du Tortue Ninja de Platinum Games. Sera le 24 mai. Il sera jouable en coop à 4 et qui a l'air pas mal. Qui a l'air carrément cool. Quoi. Ouais. Et avant de reprendre, j'ai juste un truc qui va peut-être te plaire, ça va durer 10 secondes. Dead Island 2, il y avait plus trop de nouvelles. Oui, c'est vrai. On savait pas ce qui se passait et en fait, on a appris que le développement a été repris par Sumo Digital. Ouais. C'est ceux qui ont fait Little Big Planet et Sonic All-Star Racing Transformed.

Allez, on est de retour dans la Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eau de radio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours aussi en direct sur Twitch. Il y a beaucoup de monde qui s'inquiète, Tagazu, et qui se pose des questions à savoir si tu seras au vide-grenier en avril prochain. Oui, je serai là. Il y sera, mais en tant que vieillardise. Je veux dire qu'ils sont tous paniqués. Hein, oui, c'est le sujet numéro un. Quel vide-grenier je fais le dimanche? Voilà. C'est pour savoir, en fait, les gens vont se lever plus tôt pour venir chercher les trucs avant que toi tu chopes toutes les bonnes affaires. Ils essayent de me couper si tu un peu l'herbe sous les pieds. Si tu des goodies Zelda, tu m'envoies une photo et tu me les prends, je te rembourse. T'en fais pas, okay. Je prendrai avant toi. C'est garderai pour moi. Et puis, si, il y a Vincent, tiens, qui a fait une vanne tout à l'heure, il fait en parlant d'Abe, le gourou, c'est le gourou Bignol. Oh. Allez, on lui met deux fois, parce qu'on est sympa. Allez, un peu après 20h, on va parler de The Division. On est assez impatients de vous dire ce qu'on en a pensé, parce que, roi du teaser, quoi. on va se mettre une petite bande son. Elle est là. On va mettre la bande son de The Division et puis on va parler un petit peu avec Yannick et Jean de l'association Flat 226. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y boit? Qu'est-ce qu'on y mange? Alors déjà, j'avais juste une petite question. Flat 226, pourquoi ce nom en fait? Est-ce que ça a une histoire? Oui, il y a un générateur de noms sur Google. La voix du geek vient de là. Qui t'a raconté? Qui t'a dit? Non, en fait, oui, on a cherché le jour où on l'a créé. On a cherché ce qui nous reliait tous. En fait, on était vraiment trois personnes complètement différentes. On n'écoutait pas la même musique, on mangeait pas la même chose, on n'était pas du même sexe, etc. On a voulu quelque chose qui nous rassemblait. Alors, il n'était pas là le jour. Trois personnes, un de chaque sexe. Quoi. Ouais. C'est ça, un de chaque sexe, exactement. Donc, en fait, toute l'aventure de création s'est déroulée dans un appartement. D'accord. Le numéro 226. D'où Flat, hein. C'était mon appart. Ah, cool. Et du coup, on a appelé ça Flat 226. Vu que l'objet de l'association, c'était de regrouper les gens, déjà, on a cherché ce qui nous regroupait à nous. Voilà. Ah, vous auriez été un groupe de rock, genre, ils auraient tout ce qu'ils font, quoi. Je crois que Flat, c'est de l'anglais. Ton rire dans cet interphone, il est génial. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association? Parce qu'il y a plein de choses. On pourrait vous décrire un peu comme des médiateurs un peu? Et formateurs aussi, du coup, je pense. C'est ça. Ah, alors, ça fait 2 ans. Donc là, le 10 mars, on a fêté nos 2 ans. Mm-hmm. Il se trouve qu'en 2 ans, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et les objectifs qu'on s'était fixés au tout départ, c'était vraiment pour se fixer déjà des objectifs. Et en même temps, en fonction de la demande, les objectifs ont vachement évolué, ont vachement changé. Donc oui, la formation, on a eu fait. Là on se rend compte que c'est pas rentable pour les gens et c'est pas rentable pour nous niveau temps, niveau argent, etc. Donc en fait on fait beaucoup plus de mise en relation entre les entreprises, les stagiaires, entre entreprises elles-mêmes, entre les écoles, entre elles, etc. Enfin voilà, on fait parler tout le monde avec tout le monde, donc ça c'est cool, donc beaucoup de réseautage. Ouais, et ils sont, je te coupe, mais vous êtes très réactifs, hein. Yannick, c'est le studio DSC qui m'avait donné ton contact. Je lui demande sur Facebook: salut, j'aimerais bien rencontrer un sound designer d'Asobo. Le lendemain midi, je prenais le café avec, quoi. J'hallucinais, quoi. Sur Facebook, on a découvert qu'on avait accès à des statistiques et notamment notre temps de réactivité. Oui. Notre temps de réaction. Il est d'une seconde deux. On l'a aussi. Attends, je vais regarder. 5 minutes. Ah ouais, classe. Donc, ça c'est cool. Oui, ça c'est vraiment super. On est content pour ça. Et ensuite, ce qu'on a fait, parce qu'on est une association non pas de jeux vidéo, mais on est une association de création de jeux vidéo. Et on y tient parce que la première fois qu'on a rencontré des gens, ils nous ont dit vous jouez aux jeux vidéo? Et non, pas non, forcément. Non, non, non. Il y a une grande limite entre les deux. Exactement, exactement. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien insisté là-dessus. On était une création de jeux vidéo. Donc le troisième objectif, c'était faire de l'événementiel. Et donc on est fiers de dire qu'on est la première association sur Bordeaux qui a mis en place de manière régulière des game jams sur Bordeaux, donc sur on va dire 3 par an à peu près. Alors on va rappeler aux auditeurs ce qu'est une game jam. Si tu veux, je le dis. Vas-y. Tu dors pas, tu crées un jeu vidéo pendant un week-end et surtout tu bois beaucoup beaucoup beaucoup de Red Bull. Je crois que c'est de l'anglais aussi. Je suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire jouer confiture. Comme ça. Confiture de jeu. Ouais. Coup, non mais à force de faire. Oui, le terme exact c'est confiture de jeu. Je relève, je vais pêcher la RAM. Alors à force de faire la blague, effectivement, on s'est dit mais confiture de jeu c'est pas possible. Ouais. Donc on est allé chercher effectivement d'où ça venait. Et en fait, jam en anglais, c'est aussi improvisation. Donc, yes. on, on s'est couché moins bête ce jour-là. Et donc du coup, ouais, voilà, 3 game jams à peu près par an. On héberge aussi la Global Game Jam, qui est la plus grosse game jam mondiale, qui n'avait jamais été hébergée sur Bordeaux. Ouais. Donc là, on fait ça en partenariat avec Mandora, l'association qui organise Animasia. Ça me dit rien, ça, Mandora. Mandora. On les connaît pas, on les a jamais eus. Et on est accueillis toujours très chaleureusement par Epitech Bordeaux sur le campus Yonis, qui nous mettent à disposition multiprise, wifi. Ah, ils sont chauds chez Epitech. Hein, ouais. Et c'est vraiment super. C'est vraiment voilà la synergie des trois entités qui permet d'organiser ça de manière régulière. Et ça, c'est super cool. Voilà ce qu'on y fait. Bon, je vous ai pas dit ce qu'on buvait, mais D'ailleurs. On pourra y venir plus tard si vous voulez. Qu'est-ce que vous buvez ouais, forcément. Ouais. Est-ce qu'il y a une cantine? On nous demande sur le chat, non c'est pas. Donc du coup, vous êtes un effectif. Vous êtes combien là à terme aujourd'hui dans l'équipe? Le bureau de Flat 226 est composé de 5 personnes. Mmh. Voilà, donc on a actuellement un président adjoint, une trésorière, un secrétaire et une community manager. Voilà. Et ensuite, c'est les adhérents. Voilà. On a des adhérents qui sont pas vraiment des adhérents parce qu'ils cotisent pas, mais c'est pas ce qu'on demande. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà, fédérer des gens, qu'il y ait des gens au moins aux événements. Et ça, c'est ce qui se passe. Il y en a toujours de plus en plus au Game Jam. Donc ça, c'est encore mieux. On a commencé, on était 26 à la première Game Jam. Et la dernière qu'on a faite, on était 76. Donc voilà, on a gagné 50 personnes en un an et demi. C'est honorable. Et voilà. Donc on a à peu près une centaine de personnes et puis on a dépassé récemment les 300 likes sur Facebook. Ça c'est les étudiants qui nous suivent, qui nous découvrent. Voilà, c'est cool. Et du coup, c'est quoi? Est-ce que vous avez certains objectifs que vous comptez tenir d'ici l'année prochaine, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Parce que c'est vrai que on entend parler de certaines personnes très ambitieuses qui voudraient faire de Bordeaux à terme la capitale jeux vidéo en France. Du coup, est-ce que vous faites partie de ce complot ou est-ce que... Mais après, c'est surtout des projets quoi, au final. Alors il y a deux projets, mais en fait on se laisse porter par la demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'imposer, voilà, là, on va faire ça. Ce qui est très sage d'ailleurs. Oui, bah, merci. On espère. On a pris feu assez rapidement parce qu'on a proposé des services et puis tout le monde s'est jeté dessus du style ah ouais, on peut vous demander ça, super. Donc go, voilà, il a fallu passer la seconde très rapidement. Là aujourd'hui, bah, on a des gens qui aimeraient bien créer des jeux vidéo. Le problème, c'est oui, mais le local. On fait comment? Aussi. Voilà. Oui, alors pour les compétences, ouais, voilà. Voilà, on a les compétences, mais ils sont chacun chez soi. Mmh. Et puis voilà. Donc on a bah, par exemple, on a organisé le sucre, le Sunday. C'est eux qui l'ont créé le sucre. On a créé le sucre. On a créé le sucre. J'avais des betteraves dans mon jardin et un dimanche je me suis dit tiens, je crois que je tiens un truc. On s'est dit c'est bon, les gens aiment bien, donc on va en faire. Donc c'est le Sunday Creative Rush, donc c'est sucre sans le E à la fin. Et puis du coup c'est le dimanche après-midi, une fois par mois on essaye, de 14h à 18h pour les gens qui se font chier parce qu'il y en a, et surtout des geeks, et qui aimeraient bien coder, qui aimeraient bien rencontrer, bah, des codeurs qui aimeraient bien rencontrer des graphistes ou des sound designers, des animateurs, voilà. Et donc de 14h à 18h on essaie d'avoir un local de manière régulière pour que les gens puissent se retrouver et faire naître des projets. Il y a des graphistes qui aiment pas bosser en équipe, donc eux ils viennent juste pour être avec du monde, partager de la technique, etc. Et puis ils vont créer des assets en 3D, enfin des objets 3D qui peuvent ensuite vendre sur des asset store, enfin voilà, des endroits. Ah ouais, on peut. Oui, je suis con moi. Il y a des gens, genre ils créent des objets et ensuite ils les revendent comme ça. Ils vendent genre le projet. Par exemple, parce qu'il y a certains modèles 3D qui sont plus complexes que d'autres à faire. Par exemple, une voiture en 3D, c'est un exercice super compliqué à faire. Et du coup, il y a certains mecs, ils en font leur métier, c'est-à-dire que ils font 40, races de voitures, marques de voitures différentes. Bon là, en ce moment, je suis sur un les Jaguars, tout ça, tu vois. Et du coup, voilà, ils vont aller les vendre sur tout un tas de sites qui recensent en fait tout simplement. D'accord, je savais pas. Voilà. Bah le Unity, par exemple, qui est un moteur de jeu, a son asset store, qui est donc l'endroit où on peut vendre tous les objets faits spécialement pour Unity. D'accord, ouais, comme voilà. Ça les studios qui ont pas trop le temps, ça permet surtout aussi aux codeurs qui sont un peu en indépendant et qui ont pas forcément la thune de se payer nous graphistes très chers et qui du coup en fait ont envie de faire leur propre petit jeu, c'est toujours mieux que d'avoir des props très basiques là tu peux acheter tes rochers, tu peux acheter tes assets et ça te permet de créer ton jeu sans toucher à la partie vraiment graphique au final. D'accord. Pareil pour les personnages, il y en a qui se spécialisent dans les persos. Voilà. En tout cas, je trouve l'initiative vachement sympa parce que grâce à vous, peut-être il va y avoir des jeux qui vont pouvoir naître de rencontres entre des graphistes, des codeurs, etc. Je trouve vraiment ce côté un peu, tu vois, voilà, c'est sur le tas, c'est comme ça, bim, et un jour deux mecs se rencontrent et puis ils se disent ah tiens, on fait ça, et puis le lendemain tu peux avoir un super bon jeu qui sort, et ça, je trouve que voilà, ça c'est bien, et ça ouvre des portes. Non mais franchement c'est clair, c'est un peu le mythique des créateurs de jeux vidéo sur Bordeaux, hein. Oui, c'est ça. Le Tinder. Merci. Maintenant Tinder, t'imagines, tu sais, avec les compétences, on sait plus, je like tout. Ce codeur, non, en soi, il y a une idée, en vrai vous le faites, j'ai une idée là, une application à faire là. On tient quelque chose, alors voilà, c'est un des projets, c'est un des projets qu'on a. Oh, c'est génial ça. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on va le formaliser d'une certaine façon, c'est-à-dire que codeur dans ta région. Adopte un codeur, voilà. Adopte un graphiste. Tu cherches un codeur dans ta région. Voilà. Ah ouais. Chaud. J'habite à 10 minutes de chez toi, je peux être là. C'est enfin, avec la pop-up. Je suis chaud ce soir pour coder. Tu fais quoi ce soir, bébé? Je ramène mon clavier. Je vais juste tripote-moi les boutons. Je fais juste une parenthèse. J'aime ta graphique. Je fais juste une parenthèse là-dessus. On a dans l'équipe, je ne citerai pas de nom. Il y en a un, ça commence par Dan, ça finit par Di, l'autre par Ta, ça finit par Gazou. On a dans l'équipe deux utilisateurs très fréquents d'applications, de rencontres. Non. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ça, parce que quelque part... Non, mais... Comment te mettre mal à l'aise, je ne suis pas concerné. J'ai juste quelque chose à dire, on sera moins cher que Mythic et Tinder. Voilà, on va essayer de ramener des gens comme ça. Non, mais parce que là, on va pas se mentir, niveau sortie, ça va être un petit peu étiré. Et on va se faire une émission un peu débat, comme on faisait l'an dernier. Et on va parler un petit peu de ces applications de rencontres, parce que ça m'intrigue beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que vous arrêtez pas de niquer, quoi. Alors, c'est un truc de ouf. Faudra que tu me dises quand c'est l'émission que je prépare ma grippe. Non mais c'est un truc de dingue. Moi je dis entre deux vidéos de YouPorn, faut bien s'occuper. Donc, faut du social, faut des du fois. Social, faut de l'IRL. Donc on va parler des applications de rencontres comme ça, et on fera le test de Jackie Michel Gaming. Bien ça, on sera axé, tu vois, dans le délire. Ouais. Ah ouais, on fera ça. Ok, bon, je vais préparer ça. Et toi, du coup, Jean, donc toi, tu fais du sound design, mais toi à la base, je suis auto-entrepreneur. Voilà, ce que je voulais savoir, un peu comme moi. Du coup, t'es en freelance. C'est ça. Et donc tu bosses avec qui comme studio? Tu bosses comment? Enfin. Ben après j'ai de temps en temps plusieurs projets. Ouais. Principalement avec Flight 226 justement. Mais ouais, sinon après ça dépend. J'ai déjà eu pour des animations ou des trucs comme ça. J'ai déjà fait des animations. J'ai aidé des étudiants à l'ECV, etc. Yes. Pour le. Je t'ai jamais etc. vu. Là alors... tu devais sécher. Non, je devais être derrière un ordi en train de mourir. À l'heure actuelle, ton plus gros projet ça a été quoi là? Sur ce que t'as pu faire jusqu'à présent? J'ai travaillé pour une pub d'une sous-marque Oasis en Tunisie. Oh. Non, bon, est-ce que c'était du Tang? Non, mais c'était une sous-marque. C'était une sous-marque et je devais faire des musiques typiques de là-bas. Quoi. Ouais, bon, enfin après, t'as quand même fait de la musique pour une pub. Oui, même si c'est une sous-marque, t'as fait la musique d'une pub, c'est pas mal. Je l'ai pas vu réellement après la pub qui est passée là-bas. Ah, c'est dommage. On l'a retrouvée, on va vous la diffuser. Ah ouais, non, faudrait la retrouver. Putain, mais moi je serais comme un ouf, je chercherais partout. Je suis sûr, sur YouTube, tu peux peut-être la trouver, hein. Tu peux donner la marque. Ah, bah vas-y. De quoi? La marque du soda, tu peux la donner, hein. Non, je sais pas, c'était écrit bizarrement. Ah merde, oui, si c'était écrit, ah oui, bah oui. Et ben d'ailleurs, toi Yannick, de ton côté, t'es animateur 3D. Oui. Du coup, ce que je te propose, c'est d'aller chez moi après pour qu'on taffe un peu tous les deux. Bien sûr. Non. Ma copine écoute l'émission. Ah non, il y a rien de sexuel, purement boulot. Est-ce que tu l'as liké sur leur application? Est-ce que voilà, parce qu'il faut que ça matche entre les deux. Hein. Enfin, nous, on est au courant. Ouais, c'est réflexe professionnel, on va dire. Du coup, t'es animateur 3D. Oui. J'ai vu que t'as bossé sur tout un tas de projets aussi. Est-ce que via Flat 226, du coup, t'as ton rôle en fait d'animateur 3D a une certaine utilité dans la boîte, ou est-ce que du coup c'est totalement autre chose et... Côté animation pure à l'association, non. C'est pas ce que je fais le plus. Mais comme je suis autodidacte en codeur, Je programme beaucoup plus depuis que je suis. Oui, c'est bien lié en général, l'animation et le codage de manière générale. Voilà, c'est. Enfin, de manière générale. Après, dès que tu sais coder, de toute façon, t'es forcément un atout pour quelque part. Que tu sois game designer et codeur, ou que tu sois graphiste et codeur, ça c'est vraiment le top. Mais voilà, animation pure dans l'association, c'est pas ce que je fais le plus. Surtout dans les game jams, on a le temps de modéliser en 3D. Le temps d'animer, il est souvent coupé. C'est clair. Je fais une parenthèse pour les auditeurs. Ils travaillent pas dans une auto-école, hein, parce qu'on parle de code, mais ça a rien à voir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le code, justement, très rapidement, hein. Le code, c'est la programmation. Donc c'est taper des lignes de code. C'est uniquement du binaire. C'est du fichier texte. Alors c'est pas du binaire. Non, du binaire, le mec s'écrit dans Matrix, quoi. C'est pas ça. On peut coder en binaire, non? Alors, ça se fait plus, je crois. On pouvait coder en binaire. Mais ça doit rendre fou. Ensuite, quoi. Tu fais des 0 et des 1 tout le temps. Bah oui, mais il y a des trucs qui se prennent encore comme ça. C'était vraiment éventuellement il y a très longtemps. C'était sur Minitel. Excuse-moi. Il y a eu l'assembleur qui a été le plus proche du langage machine. Qu'est-ce que t'appelles l'assembleur? L'assembleur, c'est le nom d'un langage de programmation. Ah ok, d'accord. Et c'était ce qui était le plus proche du langage machine pur. Donc pareil, on s'arrachait les cheveux, c'était un vrai cauchemar. Et puis petit à petit, il y a d'autres langages qui sont apparus, ce qu'on appelle aussi les langages objets. Donc on prend un écran et puis il faut accéder au bouton, donc on dit écran point bouton, etc. Donc on déroule les propriétés. C'est un petit peu pénible, c'est un petit peu chiant. En gros, pour les auditeurs, une ligne de code, ça va des... quand on marche dans un jeu vidéo, par exemple, il y a une ligne de code qui dit ce lampadaire il fait de la lumière. Alors, c'est un peu ça. T'as des espèces d'arbres aussi de hiérarchie, par exemple sur Unity, tout ça, mais du coup c'est plus vraiment du code au final, c'est plus de... Ça c'est du blueprint. Ouais. La ligne de code, c'est ce qui dit quand j'appuie sur la flèche qui va vers l'avant, mon personnage avance. Ah d'accord, donc c'est lié au gameplay, quoi. C'est lié au bouton. Hein. D'accord. C'est ça. En fait, c'est l'essence même qui fait que tu peux avoir une interaction avec le jeu, en fait, tout ça. Ouais, tout est logique, en fait. Tu codes le comportement du jeu. D'accord. Voilà. Okay. Si jamais tu devais faire en sorte que quand t'appuies vers l'avant, ton personnage il va vers l'arrière, tu peux le coder. Il y a eu un. Là, tu confondais. Il y a eu des jeux. Je pense que tu confondais avec le script, peut-être, où l'événement se passe au moment où tu arrives à tel endroit. Ça, c'est du script. Du script. C'est quelque chose. Un script, c'est un fichier texte de code. Ah ok, yes. Voilà. Et puis non, ça va, c'était juste pour les auditeurs pour l'explication. Voilà. Et pour moi aussi. Ah bah voilà, tu vois. Et du coup, récemment, vous avez travaillé avec Asobo. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou pas? Alors depuis la semaine dernière, on a le droit d'en parler. Un scoop. Exclusive. Parce que Asobo, c'est un peu les ninjas de Bordeaux quand même. Alors c'est... oui, Asobo, pour les auditeurs qui nous écouteraient de l'autre bout de la France, c'est quand même le plus gros studio bordelais. Avec Beat Bad Wolf aussi, ouais. C'est le studio numéro un français indépendant. Ouais, un français. Ah oui. Le plus populaire. Donc ils ont fait Fuel, par exemple, un jeu de bagnole qui était très bon. On attend tous, je pense, avec impatience le 2. Ils font aussi les portages de Ratatouille, Wall-E. Ils ont toutes ces licences là. Et donc voilà, comme l'a dit Eki, c'est un studio qui est assez fermé en soi. Nous, on a du mal à les faire venir ici, par exemple. C'est simple, quand tu les croises en soirée, au bar et tout, c'est ceux qui sont déguisés en ninja et tout, ils te parlent pas, ils font, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, j'ai pas le droit de le dire. Ninja, ninja, hop, et puis ils s'en vont comme ça. Ils s'en vont en sautillant, là. On fait, oh, lui, il travaille chez Asobo. Voilà. Même sa famille, elle le sait pas, tu sais, famille, tu travailles où? Je sais comme pas. Un agent secret, tu sais que la mallette, ça s'est bien passé au bureau? Oui, très bien, très bien. Il y a des clauses de confidentialité, à mon avis, qui doivent être importantes. Oui, dans ce genre de boîte. Et donc, qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire, Alain? Parce que il me semble que vous bossez sur HoloLens. Alors voilà. Oh, HoloLens. Ça a été, voilà, HoloLens. C'est James, quelque chose à nous dire là-dessus? Ah oui, James. Lolo Ferrari. Allô? Je crois que j'ai entendu Lolo Léaud. Je suis sorti pendant 2 ans avec Lolo Peugeot. J'étais classeur de Lolo Ferrari. Je vais manger du pudding. Le perso le plus stéréotypé. Ah oui, cliché magazine présente. On fait de la radio, faut que ça soit, tu vois, faut que les personnages, voilà, faut que ça marque. Donc oui, on disait quoi déjà? Oui, Lolo Léaud. Voilà, Lolo Range. Donc oui, depuis la semaine dernière, effectivement, ça a été annoncé. Asobo a travaillé sur 2 projets de HoloLens, 3 même. Alors, HoloLens, qu'est-ce que c'est? Alors l'HoloLens, c'est la lunette, enfin c'est la... le casque de réalité. C'est le casque, augmentée. Ouais, c'est pas de la réalité augmentée, c'est-à-dire c'est vraiment c'est de l'holographie. La réalité virtuelle. Ouais. Voilà. Ah ça y est, on passe un cap quoi. Oui. Oui, bah, oui. Est-ce que tu as pu voir le rendu, ce que ça donnait ou pas? Oui. Est-ce que c'est comme dans le trailer, enfin pas le trailer, mais ce qu'on a vu le 3. Bah, déjà, faut que tu dises que dans ce trailer-là, il y avait une caméra, tu sais, qui voyait ce que ça. En vrai, toi, tu vois pas, t'as pas le casque déjà. Voilà. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est faut vraiment préciser ce qu'on voit à travers. Donc, il y a eu beaucoup de critiques sur le field of view, donc la vision. Ouais. Et là, dans les derniers teasers qu'on a vus, on a vraiment ce qu'on voit à travers le. Voilà. Ah ouais, donc c'est des vrais hologrammes. Donc ça marche vraiment. C'est des vrais hologrammes. Enfin, c'est des hologrammes, mais que tu vois à travers les lunettes. C'est ça. Oui. Alors la spécificité de l'HoloLens, c'est qu'il n'est pas relié à l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est pas comme un casque de réalité virtuelle où tu lances un logiciel sur ton ordinateur et du coup ça t'est projeté dans les lunettes. Non, là c'est vraiment, t'as juste les lunettes, tu peux te balader dans la rue avec. Oh ah yeah. Ah ouais. Là, tu te cognes. Là, j'exagère parce qu'il faut scanner son environnement et donc scanner toute la ville entière, c'est voilà, ça m'a pas oui, mais encore possible. Oui, mais tu sens que ça laisse la porte voilà, ouverte. Voilà, il y a le champ des possibles qui est ouvert. Ouais. Voilà. Bientôt, tu pourras faire un The Division dans Bordeaux, quoi. Oui. T'imagines? Oh, le truc est génial. Paris, le mec qui se cache derrière la boîte aux lettres, tu sais. Attention. Et alors le problème, c'est ça a l'air génial. Si j'ai bien compris, je crois faut que ça rescanne les changements dans ta pièce. Donc pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ait mis une voiture à un bout d'un moment, tu te la prends direct. C'est ça. Ah ouais, parce que en gros, pour les auditeurs, dans l'idée, l'HoloLens, ça fait quoi? Genre, ça scanne ton salon, tes meubles et les supports, les surfaces. Oui, ça scanne. Alors, mais par exemple, on a vu Conker, le petit personnage là. Oui, l'écureuil. Voilà, l'écureuil qui sautillait sur un canapé. Effectivement, ça reconnaît aussi si c'est un canapé. Si jamais il est dans une baignoire, il reconnaît que c'est une baignoire et donc il va glisser. C'est-à-dire non. Que sur le canapé, il va sautiller comme ça, mais malgré lui, parce que ça rebondit. D'accord. Donc oui, il y a un scan. Il peut marcher à la verticale le long des murs. Et on a le scan dans l'autre jeu, celui sur lequel j'ai bossé, qui s'appelle Fragments. Il y a le scan de la pièce, et donc si jamais il y a besoin d'avoir des tuyaux qui tombent du plafond et qui rentrent dans le mur, les tuyaux sont placés en fonction de la pièce dans laquelle tu te trouves. Donc en gros, il y a le level design, c'est-à-dire l'architecture du niveau, qui est figé dans Super Mario Bros ou qui est figé dans d'autres jeux, dans Assassin's Creed, etc. Là, c'est un level design dynamique. Il y aura toujours les mêmes éléments dans la pièce, mais ils seront placés différemment selon le salon dans lequel on sera ou la salle de bain dans laquelle on se situe. C'est suivant ton intérieur, t'auras des niveaux complètement différents. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux de jouer dans mes toilettes. Non, mais oui. Tu sais, c'est comme ce qu'on avait vu, le mec qui a une espèce de gun laser ou je sais pas quoi, et tu vois les murs qui se pètent avec des bestioles qui sortent. C'est ça. Ouais. Donc tu peux y jouer dans n'importe quelle pièce de la maison, de toute façon, ce genre-là. Ouais. Même si c'est toujours les mêmes bêtes qui sortent, etc. Ça peut changer. Alors le pattern. Tu peux avoir l'impression que tes toilettes font 500 mètres carrés. Ah putain. Comme en vrai. 500 mètres cubes. Moi j'ai juste une petite question de gamer à gamer. Oui. Je pense qu'on joue tous dans cette pièce. Voilà. On a testé l'Oculus Rift. On a testé le projet Morpheus. On voit ce que donne l'HoloLens. Pour vous en tant que gamer purement et pas en tant que personne qui ont bossé dessus tout ça. Est-ce que pour vous la réalité virtuelle avec les casques comme on est en train de voir là, c'est le futur du jeu vidéo ou est-ce que c'est plus anecdotique au final? Alors on parle de réalité virtuelle, c'est-à-dire uniquement l'Oculus Rift ou Morpheus par exemple. Oui, parce que là c'est différent. Que là c'est holographique. HoloLens, tu vois ton environnement, tu vois ton salon. Ouais, c'est vrai. Donc, mais ça va être trop bizarre. Je sais pas comment le qualifier. Ça s'apparente à la réalité augmentée. Mais ouais, voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment de l'holographique. Mm-hmm. Voilà. C'est vraiment une nouvelle techno pure. Non, mais après j'avais compris la technologie en le voyant à l'E3, j'avais compris son potentiel, tout ça. Mais est-ce que du coup le simple fait d'avoir un support sur les yeux et de s'isoler en soi, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo ou est-ce que c'est plus un truc dont on va s'amuser pendant peut-être 5 ou 10 ans et puis après on passera à totalement autre chose? On en reparlera avec Tagazu parce qu'on a une discussion là-dessus. Ouais, on a une discussion. Ouais, le jour où on aura le temps, on en reparlera de ça, mais c'est une bonne question. Ouais. Ok, donc je ne réponds pas, je suis désolé. D'accord. Tu t'as niqué ma question. Il y a Sgrog qui a fait sur le chat un super commentaire et qui vous met, si vous le faites, pensez à prévenir les hommes en blouse blanche et ceux en blouse bleue également. Très bien. Oui, non, c'est clair. C'est noté. Parce que c'est vrai qu'on va perdre du monde. Ben ouais, après, je sais pas. Est-ce que c'est jouable en multijoueur du coup? Parce que jusqu'à là, le problème pour moi avec l'Oculus, tout ça, c'est la sensation de ok, au final, t'es tout seul dans ton salon et ça finit par être un peu triste en soi. Est-ce que avec les HoloLens, il y a moyen du coup de jouer à plusieurs joueurs avec ou sans casque? Bah, je pense que vu la technologie déjà à l'heure actuelle, c'est pas la priorité. Je pense que c'est plus le développement. Ça c'est du côté de chez Microsoft. Enfin, moi j'ai aucune information. D'accord. Là-dessus. Et ben voilà Bill Gates. Salut Bill. Ah, il arrive. Salut bande de cons. Non mais ouais, je pense que tu vois, vu que c'est des technologies assez complexes, après on sait pas, hein, peut-être qu'ils savent déjà si ça peut marcher ou pas, mais je pense plus que en ce moment ils doivent plancher sur comment faire fonctionner un jeu comme ça, comment adapter l'environnement par exemple à un jeu d'aventure et pas que ce soit juste un shooter avec des trucs qui apparaissent pas à droite à gauche. De toute façon, enfin voilà, c'est sûr aujourd'hui, c'est le multi de toute façon, c'est l'avenir. Oui, quoi qu'il arrive. Quand on sait ce qu'a expliqué le responsable du développement de l'HoloLens, il expliquait que ça faisait des années qu'il bossait dessus, que c'était de là que c'était né la Kinect, puis Kinect 2, etc. Et qu'à la base, ce sont des devices multi. Bon, voilà, encore une fois, c'est du côté de chez Microsoft, mais à mon avis, bien sûr qu'il y aura du multi un jour. Ils peuvent pas faire ça, enfin, c'est pas. Parce qu'au final, Kinect. Voilà. Non, en fait, moi, j'arrive pas à avoir le multi autre que chacun a son casque, du coup. Et oui, mais là, vu que c'est une paire de lunettes où tu vois transparent à travers, même si tu joues en multi, tu verras tes potes autour de toi. C'est ça le truc. Ouais. Et tu les verras peut-être même avec une armure augmentée en hologramme au-dessus d'eux, quoi. Ça peut être génial. Ça peut être génial. Ça, c'est déjà le cas dans la vidéo où justement les murs explosent. Le mec, il a un device autour de son bras. Oui, c'est ça, autour du bras. D'accord. Ouais. Putain, mais je te vois à poil. Non, mais je suis vraiment à poil. Oh merde. Non, parce que après, par exemple, du coup, on avait vu à l'E3. On avait vu à l'E3 notamment du coup il y avait des mecs qui jouaient sur Minecraft. Tout oui, ça c'était hallucinant. Voilà. C'est waouh. Et du coup je me suis dit ok, mais c'est un peu le même principe très légèrement le même principe que la Wii U, avec tout le monde jouait avec ses Wiimotes et ses manettes et quelqu'un a le gamepad. Est-ce que ça veut dire que par exemple dans une partie de Minecraft, toi tu joues normalement sur ton PC et seulement le mec qui a les HoloLens a un pouvoir un peu de dieu sur la partie, ou voilà, est-ce que du coup ça genre un gameplay asymétrique, un gameplay en mode 4 versus 1 ou ce genre de truc du coup? Yes, on va répondre, tu répondras à cette question juste après le scut parce qu'il est 20h. Mais on rentrera dans les détails parce que ce soir, je vous rappelle, faut pas être à la bourre à 20h30, il y a les acoustiques avec Deluxe. Ils ont reçu le groupe, j'aime bien le truc, c'est Stage Tour, hashtag Stage Tour. Ça c'est cool, Deluxe, c'est du bon son. Ils seront dans les acoustiques à 20h30 sur O2, juste après nous. Il est 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après Laser Hawk et Overdrive. Vous écoutez O2 Radio, vous écoutez O2 Radio, vous écoutez sur 91.3. 91.3. We'll be right back. Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans la voix du geek sur Ode Radio 411.3 en Aquitaine et sur oderadio.net pour le reste de la Gaule. Moi, j'ai fait mon aérobic pendant le disque. Ah oui, j'ai vu ça. Franchement, génial. C'est un truc de ouf. J'ai bougé génial. Mon popotin. Et vous êtes hyper chaud sur le chat et vous êtes trop fort. Il y a Bobo qui nous dit, y aura-t-il des jeux de réalité virtuelle dans la peau d'un livreur de la poste handicapé? Parce que notre ami Takazu. C'est moi, je travaille à la poste. Donc, il en a rien. Je pense que je le connais, cet homme. Sur le chat. Je pense que Bobo, c'est quelqu'un de ton voilà, entourage. Ou alors, il est bien renseigné, le gars. Oui, non, je crois savoir qui c'est. Ah, alors? Vas-y, balance. Non, c'est Bruno, un copain à moi, voilà. Bah, vas-y, balance son numéro. Balance son numéro à l'antenne. Balancez son numéro à l'antenne, attends. Ah, vas-y, carrément. Bruno, tu veux jouer à ça? C'est parti, alors. Déjà, on a son code postal. Voilà. On a son adresse. Admettons que ce soit pas lui. Si, c'est sûr que c'est lui, c'est sûr. Place Ravzi, vous pouvez le trouver. Voilà, allez, crac. On veut plus de détails. Vous en aurez plus après. Allez, on va vous parler de The Division. On est toujours avec Yannick et Jean de Flat 226. Et on va faire des mathématiques. Et attends, il y avait une question à répondre, non? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Oui. Alors, c'était quoi la question? On s'est posé la question. C'est le gameplay 4 plus 1, etc. Est-ce que, du coup, est-ce que tout le monde doit avoir un casque? Tout ah ça. Oui, c'est vrai. Oui, alors il y a beaucoup de jeux et de règles qui se créent en ce moment là-dessus, même sans réalité virtuelle, même en jeu de société, jeu de plateau ou autre. Enfin, je suis désolé, hein, je vais répondre très rapidement. Ouais, oui, à mon avis, il y a beaucoup de jeux là qui vont sortir dans ce système-là, avec ce système-là. Ouais. C'est certains derrière 4 PC et puis le dernier avec le HoloLens en train de courir dans la rue et tout. Non, mais c'est vrai qu'en soi ça revient au principe de RPG sur papier avec un maître du jeu et des gens derrière qui jouent. Mais imagine tu joues à ton jeu de rôle papier et puis t'as vraiment les petits personnages qui se baladent sur ta table comme ça. Un jeu qui pourrait être cool, c'est 4 mecs tu sais sur leur PC. Le mec il leur donne non mais franchement, ouais, j'ai pensé à un jeu. Ça peut être débile, mais le mec avec le HoloLens qui serait genre le méchant et les bonhommes qui courent sur la map et il doit les écraser ou les choper, tu vois. Par exemple, voilà. Ça pourrait être sympa. Parler à Microsoft. Alors, on en parlera, mais plus tard, parce qu'on est quand même assez à la bourre. Allez, on y va. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, par contre, il y a eu des bons délires, genre Sgrog qui nous dit, me tarde un jeu type point and click. Tu vois, ou une escape room. Putain, c'est de pire en pire. Ouais, tu te retrouves bloqué dans ta chambre, quoi. Mais tu dois faire le code sur ta porte, trouver la clé dans ta commode. Oula, là, je crois qu'il a quelque chose. Il y a un dossier, il l'a. Lui, c'est le mec dans l'entreprise, il veut donner des idées, tu sais. Le jeu sur lequel j'ai bossé, Fragments, ressemble beaucoup à ça. Tu vois, Sgrog, t'étais pas loin. Carrément. Oui. Eh ben tu vois. Bon, ça promet en tout cas, c'est à tester. De toute façon, on en parlera dans l'émission si ça sort pas en 2060. Parce que bonsoir à tous. Vivement dimanche quoi. Ça. Les développeurs peuvent déjà précommander l'HoloLens. Donc pour faire de la recherche et du développement. Pour seulement 77 000 dollars. Ouais, d'ailleurs c'est 3 000 dollars. Ah ouais. Bon, ça va. C'est pas étonnant mais. Oui, mais c'est pas si. Enfin, c'est pas ouais. C'est une nouvelle technologie quand même. Ouais. 3000 dollars, ça se tient quoi. Mais du coup, au grand public. Oui, dans quelques années, dans 10 ans. Ouais, ok. Très bien. Yes. Voilà. Alors, The Division, c'est développé par Massive Entertainment, c'est édité par Ubisoft, c'est sorti le 8 mars 2016, c'est un MMO d'action et c'est déconseillé au moins de 18. Est-ce que tu veux nous faire un petit point sur l'histoire ou Takazu Dandy? J'aime bien parce que à chaque fois qu'il y a un jeu qui est une histoire de merde, il me demande toujours de faire un point dessus. Parce que moi j'ai rien compris. Mais en fait, tu veux en parler aussi? Justement, moi j'ai rien à dire. Vous commencez par le point faible du jeu. L'histoire. Est-ce qu'il y a une histoire dans ce jeu? D'ailleurs, je me suis renseigné, l'histoire elle vient en DLC littéralement parce que il va y avoir un DLC avec les égouts et des infectés dedans, etc. Tortues Ninja. Voilà, sais pas pour les Tortues Ninja, pour voir avec le simulateur. C'est un monde post-apocalyptique, c'est ça. Non, même pas, c'est un monde actuel, mais il y a des bouchons, il y a de la neige et des poubelles partout. C'est à Saint-Michel. Voilà. C'est ça. Un virus qui aurait été propagé le jour du Black Friday aux États-Unis. Ah, c'est cool comme. À travers les billets, voilà. Les billets de banque. Ah ouais. Les billets de banque, et donc ils seraient tous infectés et beaucoup de morts. Et de là, ils mettent en place les fédéraux, les agents dormants, The Division. Il y avait un scénariste qu'on y arrive. Seul dessus. Voilà. Alors, je le dis tout de suite pour les auditeurs, non, il n'y a pas de zombies dans The Division. Voilà. Parce qu'on parle d'infectés. Et c'est un petit peu le reproche qu'on lui fera, c'est qu'il n'y a jamais personne dans la rue. Genre, on peut te faire visiter des maisons à la recherche de plein de choses, et tu sais que tu ne crains rien. C'est ils sont tous morts, en fait. Donc, voilà, coup, et tu sais qu'il y a personne qui va te sauter à la gueule s'il y a pas un PNJ qui nous a fait peur dans un hôpital. Genre, si on était là tous les deux, puis t'es en détente, vu que tu sais qu'il y a personne. Et genre, il y a un PNJ, en fait, il te court après, les PNJ font, j'ai faim, genre, bébé malade, pépé sida, tout ça. Et genre, il est arrivé, il a traversé des espèces de lames de plastique, là. Ah, non, il m'a fait faire un bond, le mec. Qu'est-ce qu'il fout, là, celui-là, quoi. C'est clair. Enfin, bon, voilà. Bah, après, ouais, c'est un peu, enfin, c'est, Ubisoft, il fait toujours un peu ça. Ils font toujours, toujours, genre, ils ont un méga concept. Ils ont toujours des super concepts. Il y a toujours un méga point faible, au final, tu vois, mec, qui est... C'est souvent l'histoire. Enfin, voilà, c'est... Mais là, voilà, c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est non, vrai mais que... tu vois, par exemple, Watch Dog, l'histoire était bien, et le gameplay à côté était, voilà, tu vois. Bah, là, ils avaient un bon concept, mais l'histoire, ils sont passés à côté, parce qu'au final, et c'est ça qui est très chiant, c'est que si tu veux comprendre l'histoire correctement, tu dois ramasser tous les items dispersés sur la map, et donc des enregistrements téléphoniques, des rapports d'incidents sur des ordinateurs, chiant, ça, faut lire et tout. Des systèmes écho. Alors non, là ça va, c'est des enregistrements audio, ou des fois, quand tu termines une grosse mission, t'as un enregistrement vidéo. Donc c'est un peu, on va dire, une cinématique. De mais, 10 secondes, hein, à tout casser. De 10 secondes. Et c'est pas relié, en fait, à une histoire ou quoi. C'est, tu vas voir, par exemple, une nana, elle est dans la rue. Comme dans Bioshock. Il y a un mec qui arrive avec un lance-flamme, elle fait, non, s'il vous plaît, ne cramez pas! Il fait, et voilà. Et ça, c'est la fin de la vidéo. D'accord. Donc tu dis, bon, ok. Tu vois des bribes, en fait, de ce qui s'est passé. Les histoires des gens, la nana qui dit, oui, mais maman, ouais, je t'ai pas plus, vu, je t'aime. Ça me trouve ce que tu me dis, parce que je me souviens, le trailer qui nous avait foutu la hype à l'E3, c'était le trailer où on voyait pas de personnage, on voyait juste une maison en timelapse. Oui, c'est vrai, ouais. Où genre tu voyais comme une invasion, etc. Mais il était génial, ce trailer. Et au final, tu dis, putain, ça va être super narratif, tout ça. Et au final, pas du tout, quoi. Mais, y a rien. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur com. Ouais. Et voilà. Bah, de toute façon, alors, ils ont trop une très fort, bonne com. Hein. Ils ont une très bonne com et ils mettent beaucoup d'argent dessus. D'ailleurs, mais c'est un carton, le jeu. Peut-être même plus d'argent dans la com que dans les jeux. Ubisoft a plus d'argent dans la com. C'est 1 euro pour le jeu, 3 euros pour la com. Waouh. Eh ben, tu vois, on apprend des choses. D'ailleurs, vous savez combien il a coûté au développement The Division? Voilà, j'ai peur. 200 euros. Le PIB du Gabon, quoi. 80 millions d'euros. Oh, pour The Division. 80 millions d'euros. C'est que ça en et fait des putes de luxe, hein. Il est en développement depuis 2012. Ah et à côté, Watch Dogs, il y en avait eu pour à peu près 50 millions d'euros de développement. Watch Dogs, ils ont jamais dû récupérer l'argent. Hein. Là, c'est un bon démarrage, donc je pense qu'ils ont récupéré l'argent. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'ils ont donné les jeux en même temps au public et à la presse a fait que le démarrage du jeu a été bon? Mais c'est oui, obligé, c'est possible, forcé. Parce que c'était ça a gueulé beaucoup. J'ai sur les sites, dans la presse, qu'ils n'ont pas eu le jeu, une copie du jeu avant. Alors après, ils ont fait pas mal de bêta. Il y a eu deux bêta. Ça permet déjà d'ouvrir une bêta ouverte. Oui, c'est vrai. Ça c'est permet vrai de faire pas mal. Mais après, c'est vrai que après, c'est en France. Je parle notamment en France parce que j'habite pas dans les autres pays. Mais c'est vrai qu'en France, les achats aussi varient vachement selon la critique, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu triste par rapport à Webedia qui rachète le premier média français jeux vidéo en France. C'est que voilà, les joueurs français sont vachement influencés par ce qu'ils lisent dans les critiques. Et d'ailleurs, on peut le voir dans. Attention. Non, mais non, pas du tout. Voilà, Webedia, je les déteste, mais bon, c'est pas grave. Si tu vois dans les pubs, etc., en France, sur les jaquettes, le premier truc qu'on va te mettre, c'est la critique de jeuxvideo.com avec un petit extrait de 3 mots qui dit c'est génial, alors qu'il parlait d'autre chose. Voilà, tu vois, c'est en France, c'est obligé que derrière, il y ait une influence sur le démarrage, quoi. Moi, ça me fait halluciner quand on stream et que les gens, ils font, oh putain, je l'ai acheté, c'est nul. Comment? Enfin, tu peux plus te tromper, tu peux plus acheter un jeu vidéo en te disant ah bah merde, c'est de la merde. Entre les sites, les youtubeurs, les streams. Mais justement, c'est un truc aussi de dingue, ça le problème, quoi. Je pense, c'est que à force de regarder PewDiePie jouer à des jeux, qui fait que t'as l'impression que PewDiePie, même quand il joue à Goat Simulator, c'est le jeu de l'année. Du coup, je pense que t'as tendance à te faire des méga faux avis, surtout que maintenant sur YouTube notamment, il y a de plus en plus de pubs cachées, en fait. C'est-à-dire que bah t'as un petit chèque derrière pour que quand tu fais le test de ton jeu, bah tu montres pas les choses qui clochent, tu dis pas ce qui va pas, etc., tu vois. Et ouais. Du coup, au final, si t'as beaucoup plus moyen de te tromper maintenant, et les éditeurs jouent limite dessus aussi, tu Après, si t'es pas con, tu recoupes un peu les infos, quoi. Enfin, c'est sûr, mais voilà, une fois de plus, regarde le nombre de ventes que fait Activision avec les Call of Duty, alors que c'est les mêmes mecs qui gueulent tout le temps, tu vois. Donc, c'est vrai. Final. On va parler un petit peu de l'univers, parce que ça se passe dans un New York, donc qui a été abandonné par ses habitants à la hâte. Et en fait, c'est ce qui donne un peu cet effet-là. Moi, j'ai franchement, l'univers, c'est ce que j'ai mis dans les plus. C'est un truc de malade. Graphiquement, franchement, c'est une bombe. Il y a des gens qui gueulaient. Ah ouais, ouais. Il y a des gens qui, oui, mais il est moins beau qu'à l'E3. C'est vrai qu'il est moins beau qu'à l'E3. Mais attends, attends, tous les jeux sont toujours moins beaux quand ils sortent. C'est le jeu qui a été fait. Après, vous dites ça, mais, enfin, surtout, toi, l'Infernal, et c'est pas méchant, mais parce que t'es un joueur console aussi, tu vois pas forcément certains jeux PC qui sont upgradés, tout ça, tu vois. Du coup, effectivement, il est méga beau. Mais moi, déjà, la PS4, j'en ai déjà marre des graphismes. Il y a des, tu sais, c'est une beauté à laquelle tu t'habitues. La PS3, méga beau, et vers la fin de la PS3, on n'en pouvait plus. Bah là, la PS4, au final, moi, j'ai vu The Division, j'ai fait, ouais, il est très potable graphiquement. Bah, le truc, c'est qu'il y a énormément de détails. Mmh. Il y a beaucoup de choses dans le décor. Et ça reste un jeu multi, c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est que c'est pas un jeu solo, et que, voilà, ils sont obligés de connecter sur les serveurs et... Ouais, mais du voilà, coup, le multi, ça c'est dans la Dark Zone. On va en parler. Non, pas tout à fait, enfin. Ouais, on va en parler. Très bien. Jeu suspense, tout ça. Suspense. La radio, les auditeurs. Non, non, mais voilà, c'est franchement, moi, l'univers me plaît beaucoup. Voilà, t'as qu'à regarder, zoomer un petit peu, les sacs poubelles me font halluciner. Est-ce que tu as tiré dedans? Texture des sacs poubelles. Non, mais ouais, mais il y a un peu de neige dessus. C'est un truc de dingue. Et quand tu tires dessus, le sac poubelle bouge. C'est con, hein, mais j'ai essayé. Et tu vois le sac qui bouge, quoi, en fait. Ouais, non, c'est non, des détails à la con, même la destruction des murs, tu te rappelles? Ouais. T'arrives devant un mur en briquettes rouges, tu tires dedans, tu vois les petites briquettes qui se déconsole dans les trailers, la guerre. C'est marrant parce que j'avais eu le même effet en fait à ceux qui ont un PC et des consoles, jouez à Borderlands sur PC et faites le comparatif avec la PS4 parce qu'ils ont des moteurs graphiques, c'est des moteurs graphiques que Nvidia leur file, donc ceux qui sont un peu leaders sur le marché des cartes graphiques, etc., enfin du graphisme PC. Et du coup, sur Borderlands, pareil, j'avais halluciné avec les simulateurs, tu sais, pour les draper, pareil pour les sacs plastiques, tout ça. Il y avait une méga physique. Du coup, ça c'est cool. Ça veut dire qu'Ubisoft, ils ont mis à jour un peu leur base graphique et qu'on retrouvera sûrement ça dans les autres jeux aussi. Quoi. Et ouais, tu tires dans les vitres des voitures, ça se casse pas bêtement, quoi. Ouais. Ça fait vraiment des impacts et ça suit tout le délire. C'est assez hallucinant. Mais c'est enfin quoi. Il y a un souci du détail énorme dans ce jeu. Et c'est ça qui est appréciable. Parce qu'il y en a, ils rushent les jeux, ils font les missions et une fois qu'ils l'ont terminé, ils le refoutent dans la boîte, ils y jouent plus. Nous, on s'est amusé, enfin pas trop d'ailleurs, à récupérer tous les trucs un peu à droite à gauche. Ouais, c'est un peu lourdingue. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que quelque part, si tu fais pas ça, tu passes à côté des environnements, tu passes à côté de scènes, à côté de superbes vues dans le jeu. Je pense que c'est aussi pour t'amener à des endroits parce que les mecs ils ont bossé comme des cons à faire des détails de ouf et ils se disent putain, les mecs ils vont tracer, ils vont pas le voir là, de boulot. Donc du coup, ils t'amènent forcément avec un téléphone à récupérer à arriver à une scène. Tu dis ah ouais, les détails c'est ouf, t'as une super vue. Franchement, c'est voilà, il y a eu du boulot derrière. Moi, je dis rien que pour ça, les mecs, chapeau parce que pour ça on vous met 20. Voilà. Non mais parce que voilà, après, le gameplay, il faut pas l'oublier. Je vais râler un peu, tu vois, parce que tu parlais tout à l'heure du trailer, du premier trailer. Il faut qu'on avance après parce que ça va aller très vite. Reste 10 minutes. Il y a eu effectivement un downgrade, mais moi ce que je reprochais, c'est que il y a eu au niveau de la com un petit souci chez Ubisoft parce qu'au début tu regardes le premier trailer et t'as les bonhommes, ils arrivent à la fin de la mission en face d'un pont et ils font waouh, il dit tu vois là-bas c'est Manhattan, donc du coup ils étaient de l'autre côté du pont, ils étaient sur la rive en train de regarder Manhattan. Après ils nous ont dit attention, parce que sur la jaquette il y a marqué sauver New York, tu sauves pas New York. Ils ont dit à un moment donné oui attention, ce sera pas New York, ce sera Manhattan. Et maintenant tu te retrouves à jouer en fait. Ça c'est Manhattan pour ceux qui sont sur le stream. En gros tu joues une partie quoi. Sur 20% t'as eu trois versions différentes. C'est sûr, c'est que à chaque fois Ubisoft en même temps c'est comme si t'arrives avec un mec qui dit putain je sais pas, j'ai découvert la téléportation, tu vois, forcément tu te méfies. Ubisoft faut prendre le gameplay, ce réflexe aussi. Vas-y. Voilà, carrément. Alors voilà, le gameplay, on va il a enchaîner. Vachement redondant. Alors le truc c'est que c'est un TPS, donc on voit le personnage à la troisième personne et ensuite le jeu est divisé en deux sections bien distinctes. Il y a la campagne et la Dark Zone. On va d'abord parler de la campagne. Donc voilà, le problème de ces types de jeux, et encore je trouve que ça va de mieux en mieux pour les Uncharted et compagnie, moi je trouve c'est le gameplay justement. C'est le personnage, la façon dont il se déplace, mais ça me gonfle, mais au plus haut point, pour tu t'avances, si tu veux faire demi-tour, il fait des manœuvres le gars. C'est vrai que j'ai un peu testé chez toi mais même au niveau des améliorations de ton personnage et tout, j'ai pas l'impression que c'est foufou de ouf quoi au final. Non, alors ce qu'on avait pu voir dans la dans la bêta, c'est qu'en gros, il y a ta base, en gros, avec trois pôles dedans. Il y a le pôle technologique, médical et sécurité. Je sais pas, tu veux rentrer un peu plus dans les détails, Dandy ou Tagazou? Bah non, qu'est-ce que ça débloque? Non mais qu'est-ce que ça débloque? Bah des compétences en fait. Il y a, c'est comme tu dis, c'est trois branches, donc aide médicale, aide technologique et aide de sécurité. Ça débloque des branches qui correspondent en fait à ces ailes-là. Donc on peut se spécialiser en médical, on peut spécialiser donc en tout ce qui est protection avec la sécurité, ou en offensif avec l'aile. Surtout important, on peut changer à tout moment, c'est-à-dire oui, que c'est on n'est pas obligé de se spécialiser en, comme vous connaissez tous les MMO, en tank, en DPS. D'accord. Et ça, c'est, je trouve ça, c'était un côté c'est positif. Très malléable. Ouais. Parce oui, qu'on peut ouais. changer selon. Mais du coup, par exemple, j'avais l'impression, enfin, je sais pas, même au niveau de la personnalisation des armes, des slots pour les armes, même au niveau de du système de niveau, au final, que tu sois niveau 1 ou niveau donc 20, c'est ça, le 30, niveau max 30. Est-ce que quand t'arrives niveau 30, t'es un mec 40 fois plus stylé, qui a 40 fois plus de compétences, qui tu dis putain mec regarde c'est un niveau moyen. 30, tu vois. Ouais, ça peut le faire. Je pense que Tagazu quand il nous voit arriver dans sa partie, il est content. Oui, je suis content. Mais on oui, lui a pourri un truc tout à l'heure. Ça se voit pas, oui, parce que ouais, voilà, tu les vois, ennemis c'est... quand ils arrivent dans le bas niveau, ils peuvent pas les aider, c'est-à-dire que les ennemis s'adaptent au niveau qui sont présents. Supérieur. Donc du coup, moi qui étais niveau 10, ils sont oui, arrivés comme niveau 30, ouais. Voilà, et Borderlands effect. Mais ce que je lui reprocherais, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez sérieux qui se rapproche plus d'un Call of, on va dire, plutôt qu'un Borderlands. Et c'est ce qui m'a un peu gêné, moi. C'est, il manque un peu de folie, un peu d'originalité. C'est très beau, le gameplay est super. Voilà, tu parlais de la sorte person shooter, mais ouais. Je trouve que voilà, on se couvre. Ça me fait penser à Gears of War, qui était très bon à ce niveau-là. Ouais. Après, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on peut tout jouer ensemble. En dehors de la, en campagne. Ouais. Il y a en fait, des c'est endroits. Pas vraiment un MMO. En fait, c'est plus non, un jeu voilà. coop, quoi. C'est un ouais, jeu coop. C'est un jeu voilà. coop. C'est parce ça. Que c'est pour ça qu'il faut imaginer. Pas le qualifier d'un truc qui est un MMO aussi joli sur PS4, c'est chaud, tu vois. Ouais. Mais c'est pas un MMO. Alors, pour les auditeurs, MMO, massivement multijoueur online. Ouais. Faut pas imaginer New York comme rempli de plein de petits gars ouais, qui ouais. jouent en ligne si en même temps. Ils sont remplis que dans les planques, et d'ailleurs, ils ont c'est pas pensé. C'est assez bordélique. C'est assez bordélique. Ils ont pas pensé que quand il y a un joueur qui s'arrête au milieu d'une porte et qui ne touche pas sa manette, il bloque les autres. Ah ouais. Et au début, c'était n'importe quoi. Il y avait un gros embouteillage. On pouvait pas rentrer, accéder aux missions parce qu'il y avait un gars qui était planté là et qui avait lâché la manette. Le relou. Le relou. Et il streamait nous, sa partie. De pousser, c'est parfait pas. Pour troller, ça. Voilà. C'est parfait. Tiens, si j'allais faire caca. Ils ont fait une mise à jour parce que les gars, ils se disent, oh putain, on avait pas pensé à ça. Un gars qui non, s'arrête devant une porte. Il y a pas des bêta-testeurs, quoi. Bah si. Ils ont fait deux séances de bêta-test, mais ils ont pas pensé. Bah oui, il y a toujours un relou. Tu vois, on le connaît tous, celui-là, quoi. Tu vois, on a tous un relou. Oui, c'est le genre de mec dans les menus qui, t'es là, l'autre manette, elle peut changer les menus et t'es là, merde, arrête, tu fais chier. Ouais, là, c'est ça. C'est genre, bien, on joue à deux, et puis ton pote qui joue pas trop souvent aux jeux vidéo, il appuie sur tous les boutons. Et du coup, il change la langue. Enfin, tu vois, on a, bon, bref. Il y a donc, la Dark voilà. Zone aussi. Et la Dark Zone, tiens, bah, vas-y. Bah, la Dark Zone, tu vas en parler peut-être mieux que moi, Dandy, parce que t'es au niveau 30. Alors, moi, je suis un petit. Pas en Dark Zone, hein. Voilà. Pas en Dark Zone, hein, mais. Parce qu'en fait, il y a deux niveaux différents. Un pour ouais. la campagne et un pour la Dark Zone. C'est deux endroits bien différents. Et donc, voilà. dans la Dark Zone, on a une propre barre d'expérience indépendante de l'expérience qu'on a dans le jeu de base. On a aussi une monnaie qui est proprement définie pour la Dark Zone. Et il y a autre chose aussi. On voit tout le monde là. Ah oui, là on là, voit tout le monde. On là, voit là, tous les joueurs en ligne. On est d'accord. C'est que dans ces zones précises ouais, que il y a. Bon, ok. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, ça limite vachement. Et là, ça s'installe. Non, c'est grand hein, la Dark Zone. C'est grand et s'installe certes, un mais... climat de peur. J'ai envie de dire ouais. à la DZ. Je sais pas si tu connais. C'est, ce en fait, on est parano. On est parano. On se demande si les autres sont avec nous ou contre nous. Ils ont mis du bruit du coup. Voilà. Un système de renégat. Si tu tires sur quelqu'un, t'es devenu un renégat. C'est-à-dire que tu peux tuer tout le monde. Donc là, c'est clair, le gars, on le sait, c'est un renégat. Mais quand t'es pas encore renégat, tu te dis, est-ce qu'il va pas me piquer le loot que je viens de ouais. prendre? Est-ce qu'il est ami? Parce qu'il est ami, puis au dernier moment, bam. J'ai une anecdote. Pourquoi les gens rentrent dans la Dark Zone? Ah là, c'est ce que j'allais dire. On a grillé les étapes. Voilà. En fait, la Dark Zone, c'est un endroit de la map où, en gros, c'est du joueur contre joueur. Et le but du jeu, c'est de pas tirer sur les vrais joueurs, mais les bots. Donc ceux qui sont gérés par l'ordinateur, ouais. c'est eux qui ont le loot sur eux, donc les objets, les guns et tout qui sont le plus forts. Il faut les tuer récupérer le loot dans une petite sacoche et du plus bel fin, effet jaune et ensuite non et une fois que ton loot est c'est jaune, donc comme ça toi tu vois si l'autre il a du loot sur lui, et ensuite faut que t'ailles à un point bien précis, on a 8 sur la map, faut l'extraire tu tires une flèche, parce qu'en fait si tu sors de la dark zone avec tes affaires on te dit il est contaminé tu peux pas, et donc tu peux pas donc en gros tu tires une flèche, enfin une fusée éclairante, il y a un hélico qui arrive, c'est très long, il fait tomber une corde. Dès que la corde arrive, faut vite que t'accroches ton petit pactage. Ensuite, il se barre. Et là, on te dit, c'est bon, c'est sécurisé. Est-ce qu'on peut identifier les bots des joueurs? Ils ont leur nom au-dessus de la tête, en fait. Ouais. Mais donc, pour te dire, la zone d'extraction, il y a beaucoup de monde et on sait pas s'ils sont là. Alors, s'ils ont leur petit paquet jaune derrière, on se dit, ils sont là pour extraire du loot. Mais sinon, tu te dis, est-ce qu'il va pas me tuer au dernier moment, me piquer mon loot? Pour récupérer mon matos. Voilà, donc c'est un peu climat de peur. Mais ils avaient fait leur dernier trailer de The Division à l'E3, je crois d'ailleurs, où effectivement, on voyait ça. Alors, moi, je trouve pas mal, mais bon, après, j'ai une question. Ouais. Parce que dans le trailer, il disait qu'on pouvait appeler quelqu'un sur une tablette ou un iPhone. Alors voilà, j'allais y venir. Ça, ils ont complètement lâché l'affaire parce qu'effectivement, dans un trailer, il y avait aussi dans le premier trailer qui montrait où je parlais tout à l'heure, où ils disaient regarde Manhattan là-bas, on les voyait à couvert derrière un truc et il y avait plein d'ennemis qui arrivaient, ils étaient un peu submergés et ils disaient appelle le machin, et du coup tu voyais un drone arriver qui survolait et avec le mec jouait ça avec la tablette. Et je suis allé donc sur l'App Store et sur Google Play voir. J'ai tapé The Division et j'ai eu apprendre ces tables de multiplication. Voilà, en gros, l'appli n'existe pas. Ouais. Donc, en gros, ils ont laissé tomber le truc, quoi. C'est dommage. Le sentiment que laisse Ubisoft avec Watch Dogs, avec The Division, c'est l'impression de jeu pas terminé. Assassin's Creed Unity, voilà. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le jeu est aussi vide. On se souvient de Watch Dogs qui avait failli sortir une semaine ou deux après GTA V. Et quand GTA V est sorti, ils ont repoussé Watch Dogs. Tu m'étonnes, forcément. En disant, mon Dieu, on est complètement à la ramasse par rapport à GTA V, il faut qu'on peaufine, etc. Malgré les mois supplémentaires, ils n'ont pas réussi à améliorer. Mais parce qu'Ubi ont un problème, c'est toujours de délai. Ils font des jeux. Ils sont bien, mais ils les font trop rapidement. Et du coup, parce qu'ils respectent un calendrier de sortie, c'est pour ça Assassin's Creed, ils le font pas, parce qu'il y a eu The Division. Ils se sont bien rattrapés, parce que voilà, ça, il va y avoir la clôture, c'est en juin, je crois, l'année fiscale. Début juin, fin mai, je crois. Ouais, je crois que c'est vers mai. Et voilà, bon là, ils ont fait carton avec The Division, clairement. Mais ils tu vois, c'est pareil. Carton, on un en bon parlait, démarrage. On en parlait de leur com. Pour l'instant, ça marche bien. On en parlait de leur com. Le premier truc que tu fais dans la com, quand tu vends un produit et que tu le vends à une masse, enfin, à une certaine masse d'acheteurs, tu vas pas t'amuser à faire une com qui est vachement mieux que le produit final. Bah, ils sont forts en com, plus qu'en création de jeux. Voilà, le problème, c'est que c'est une entreprise. Le but, c'est effectivement de ramasser de l'argent. C'est clair, mais derrière, il y a un certain là. Au final, ils se retrouvent les pieds dans le tapis parce que plus personne veut acheter leur Assassin's Creed. Du coup, ils se retrouvent à dire non, finalement, on va plus en faire un par an, etc. Bah oui. Mais voilà, tu vois, faut pas attendre ça pour. Je vais avoir un discours. Très utopique, mais même en tant que gros développeur de jeux vidéo, tu dois avoir une certaine écoute par rapport à ton public, parce que sans eux, t'es rien au final. Et faudrait peut-être qu'Ubisoft en prenne plus conscience encore. On va conclure très rapidement parce qu'on va vraiment être à la bourre. Ouais, carrément. Moi, ce que j'ai kiffé vraiment, c'est l'univers. Je trouve assez cool. C'est très très réaliste. Tu te retrouves sur des terrasses new-yorkaises. C'est des spots où t'as trop envie, en vrai, d'aller boire un canon, quoi. Ouais. Non, franchement. Après, la musique est cool. Qu'on entend actuellement. Après, dans les moins, le gameplay qui m'a saoulé. Voilà, t'es obligé de faire des manœuvres pour te sortir de d'endroits. Mais qui fait le job, quoi. C'est-à-dire. Mais on a quand même un TPS avec un cover. Ouais. Bien. Ce qui ressort le plus sur les streams, c'est les ennemis qui sont trop résistants. C'est un truc de malade. Il faut 40. Ah ouais, non, mais c'est interminable. Très rapidement, le scénario qui est un peu en dessous, l'IA qui est un peu débilos. C'est un genre, tu jettes une grenade et c'est une grenade. Oh, ils s'en vont quand même. Ils sont toujours dans un coin. Tu balances, le mec se casse. Genre à un moment, il y a une grosse fusillade de dingue dans Times Square et t'as des PNJ et l'autre elle prend son pote par le bras et il faut s'en aller, j'entends des coups de feu. Non, je crois que j'entends des coups de feu. Les armes légendaires qu'on n'a pas vu en 3 jours effectifs, donc 48 en 72 heures de jeu. Voilà. Le corps à corps qui sert à que dalle, c'est un truc de ouf, t'arrives, il se passe rien. C'est une pichenette. Ouais, c'est clair. tu feras attention à où dis donc. Et les rues qui sont un peu vides, et ça manque peut-être un peu du sel de The Last of Us. Ouais. Clairement, tu te sens dans un jeu à The Last of Us, mais il n'y a pas de zombies, il n'y a que dalle. Donc, et le gros point négatif, moi, que j'aimerais rajouter, et qui est assez frustrant quand on est un joueur, parce que forcément, quand on se tape un jeu, qu'on le finit, que tu sues sang et larmes, tu vois, que tu te dis « Yes, je l'ai terminé !» Eh ben en fait, t'as pas de récompense. Tu termines le jeu, ouais, tu fais tous tes objectifs, t'as un trophée, et y a rien. Y a rien. Dans l'histoire, t'as pas de cinématique. On dit pas bravo, c'est cool. C'est bon, va falloir continuer à libérer la ville. Et là, mais tu dis, mais attends, tu te fous de ma gueule. J'ai fait tout le jeu, j'ai tout terminé à fond. Ça annonce une suite. Et tu me dis ça. Bah ouais, oui, oui, bon, voilà. Après, quand tu termines un jeu, t'es quand même content. Tu dis yes, t'as gagné un bon truc ou là que dalle. Tu voilà, t'as aucune récompense. Tu te sens pas récompensé du boulot que t'as fait. Et c'est un peu frustrant, je trouve. Allez, faut y aller parce que là, ça clignote en rouge. Toi, il y a écrit événement programmé. Tout. Allez. Merci toute l'équipe. À la semaine prochaine. Merci Yannick. Vous. Merci Jean. Merci. À bientôt. C'est ciao. Plaisir. Passez une bonne semaine. Bisous. Bye bye. La semaine prochaine, on se fait le test d'Hitman. Tiens. Puis on stream et toute la semaine. Et de Pokken aussi. Et de Pokken. Allez, gros bisous. Bye bye. Bonne soirée. Et restez bien. Il y a les acoustiques avec Deluxe. Bisous. À Bordeaux, vous écoutez O2 Radio sur 91.3.